lune à partir de 12h20 et ce jusqu'à 15h40. Ils vont s'unir pour le pire et le meilleur. Nous allons pouvoir assister à leur union et voir leur alliance. Bah oui, éclipse annulaire. Le soleil prendra la forme d'un anneau. L'annulaire, vous le savez, c'est le quatrième doigt de la main. Et c'est à ce doigt que l'on porte cet anneau, une alliance à la suite d'un mariage. Selon une croyance égyptienne, la veine de l'amour relierait l'annulaire de la main gauche directement au cœur. Raison pour laquelle elle est utilisée pour porter la bague de mariage. Bague, anneau solaire, c'est beau, non ? Joël Vigne, le goût, l'amour, les doux. Je vous souhaite le meilleur. À demain. Ou la rallumer, un bonheur que moi t'ai fini oublié. La dose que moi l'a gagné, la douleur que moi l'a passée, c'est vous-même que l'a tout effacé. Moi t'ai fini oublié le goût, l'amour, les doux. Un petit péco, le goût, bonbon, coco. Moi t'ai fini oublié le goût, l'amour, les doux. Change couleur dans la case nana fleur, on dirait qu'il ressemble le bonheur. En tout cas, moi m'y crois, tant pis pour ça qui croit pas. C'est où même mon l'espoir, mon l'odeur. Moi t'es fine, oublie le goût, l'amour, les doux. Un petit péco, le goût, bonbon, coco. Moi t'es fine, oublie le goût, l'amour, les doux. Salut à tous, bon réveil à Agnan, salut Isa. Bonjour Mickaël, bonjour à tous, en espérant que vous allez bien ce matin. Événement, jeudi 1er septembre, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éclipse. Nous sommes le jour de l'éclipse. Éclipse à suivre sur Agnan 1er et on démarre maintenant. Il est 5h sur la première. Et c'est l'heure du journal, journal présenté par Stéphane Henny-Lorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Un tiers d'école avec 100% d'enseignants présents, un cinquième avec 100% de grévistes. Établissement fermé toute la journée ou partiellement, situation toujours compliquée à quelques heures du phénomène. Un flop malgré un an de préparation. La pédagogie, un rôle que l'art peut assumer. Une maquette géante du système solaire inaugurée aujourd'hui. Elle s'étale dans un rayon de 50 km dans le sud de l'île. Je suis sénateur et quel que soit mon état de santé, je participerai au débat sur l'avenir de la Réunion. Déclaration de Paul Vergès hier, lui qui compte bien peser sur la loi sur l'égalité réelle. Cher à Erika Baretsch, la nouvelle ministre des Outre-mer. Et puis en fin de journal, reportage à Saint-Denis avec le lancement des Mercredi Jeunesse. Une année de préparation pour un flop, l'observation de l'éclipse annulaire prévue dès le milieu de la journée s'annonce compromise dans de nombreuses écoles du primaire. Et quelques communes s'étaient déjà prononcées sur une fermeture des classes il y a quelques semaines, évoquant alors le principe de précaution. Nouvelle vague de fermeture depuis lundi, cette fois pour cause de grève des enseignants. À quoi faudra-t-il s'attendre ? Pour Jean-François Salle, inspecteur d'académie, il est impossible de donner un chiffre global sur le taux de débrayage dans les 524 écoles de l'île. Les seuls chiffres qui m'intéressent, ce sont les écoles pour lesquelles tous les enseignants sont là. Il y en a 182, soit 36% des écoles de l'académie. Ce qui m'interpelle, ce sont les écoles pour lesquelles il y a 100% de grévistes annoncés. Il y a 112 écoles, soit 22% des écoles. Mais dedans, n'oublions pas qu'il y a les écoles qui sont déjà réputées fermées, comme à Saint-André. Il y a les écoles maternelles qui ferment toute la journée ou qui ferment le matin. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Et puis surtout, c'est pas parce qu'une école a une intention de grève à 100% qu'il y aura 100% de profs absents. En fait, se déclarer gréviste, c'est déclarer son mécontentement. Et puis être gréviste, c'est pas pareil, c'est un acte fort. L'inspecteur d'académie Jean-François Salles, interrogé par Olivier Delarichaudy. Tour d'horizon complet des écoles fermées à 5h30. Et toutes ces approximations ne remettent pas en question la valeur pédagogique de l'observation du phénomène. Xavier Daniel, artiste plasticien de l'entre-deux, inaugure aujourd'hui son projet intitulé Cosmos. Il s'agit d'une maquette du système solaire qui s'étale dans un rayon de 50 km. Le Soleil et ses planètes se représentaient à l'échelle entre les avirons Saint-Leu, Pierrefonds, l'Entre-deux et Bourg-Murat. Et pour Xavier Daniel, c'est un grand jeu de pistes destiné à éveiller la curiosité. Les précisions de Xavier Daniel. Lorsqu'on décrit le système solaire, et lorsqu'on parle en milliards de kilomètres, en années-lumière, en unités astronomiques, tous les gens se disent « oui, c'est grand, c'est loin, c'est gros », mais on n'arrive pas à se représenter parce que les chiffres sont énormes. D'avoir fait cette maquette à l'échelle, donc tout est respecté, la taille des planètes, leur dimension, leur diamètre, et aussi la distance qui les sépare du Soleil, la taille du Soleil aussi est à l'échelle. Ça permet aux gens de se rendre compte intuitivement, parce qu'ils sont devant, ils voient la planète, ils voient le Soleil au loin, ils se baladent dans la Réunion, et ils découvrent d'autres planètes, et ce sont des distances que nous pouvons apprécier en tant qu'être humains qui sont à notre échelle. Et à cette échelle-là, le système solaire est reproduit lui aussi à l'échelle. Donc la plupart du temps, les gens écarquillent les yeux en voyant ou ils disent « ah d'accord, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas besoin d'explication, c'est uniquement intuitif ». Xavier Daniel, artiste de l'entre-deux, joint par Pierre Comorasamy. Et si vous avez malgré tout besoin d'explications et davantage d'informations sur l'éclipse, restez branchés sur Réunion Première. L'invité de la matinale à 7h15, Jimmy Dorseuil, animateur scientifique de l'Observatoire astronomique des MAC. Et après le journal de midi, un C'est dans l'actu exceptionnel et décentralisé au village éclipse du Gol à Saint-Louis. Édition spéciale en télé également. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos commentaires par téléphone, SMS, sur Twitter ou Facebook. Et si vous serez tenté de lever les yeux vers le ciel aujourd'hui, restez vigilant sur la route. Un nouveau radar double sens entre en service à partir d'aujourd'hui sur la RN3 à La Confiance, commune de Saint-Benoît. Vitesse limitée à 50 km/h. Attention aussi aux travaux de pose de gabion sur la RD52, route de Grand-Ilette à Salazy, secteur chemin Ibon. Des coupures de 45 minutes maximum sont prévues de 8h30 à 16h aujourd'hui et demain. Retour à la normale en revanche à Saint-Louis avec la réouverture depuis hier soir du radier du Waki. En politique, Erika Barretch est donc devenue hier la première femme réunionnaise ministre, une nomination au ministère de l'Outre-mer qui a provoqué de nombreuses réactions, bien souvent des félicitations. Écoutez celle de Richel Sacri, le représentant local du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. C'est quand même la première fois qu'une femme réunionnaise atteint ce niveau de responsabilité. Comme vous le savez, le CREFOM se bat depuis 2014 sur l'accession des réunionnais et réunionnaises aux postes les plus importants au niveau des administrations de l'État et également dans le champ politique, bien sûr, c'est évident. Et donc on ne peut que se féliciter et surtout, ça donne une impulsion aux dossiers qui sont en cours, comme par exemple l'application des CIMM pour les mutations, qui est en instance de discussion auprès du ministre de la fonction publique. En tant que ministre des Outre-mer, je pense qu'elle aura un peu plus de poids pour nous aider à aller enfin vers l'aboutissement de ce décret. Richel Sacri, représentant local du CREFOM, au micro de Francis Bourgoin. Il y a quelques semaines seulement du débat parlementaire sur l'égalité réelle, la démission de Georges-Paul Langevin au ministère de l'Outre-mer ne manque pas d'étonner Paul Vergès. Le projet de loi doit en effet être présenté en séance publique à l'Assemblée le 4 octobre. Si le calendrier est respecté, ce sera donc à Erika Barretch de défendre le projet devant les parlementaires. Le sénateur communiste a bien l'intention de faire entendre sa voix sur ce sujet qui lui tient à cœur et qui engage la population ultramarine pour les 25 prochaines années. Paul Vergès, qui n'a pas pu participer aux séances du Sénat depuis quelques mois pour des raisons de santé, espère quand même se faire entendre. Si j'ai eu cette complication de santé qui m'ont tenu éloigné du Sénat depuis plus d'un mois, hein, c'est que j'ai voulu à la fois remplir mes responsabilités à La Réunion et celles du Sénat. Contrairement aux analyse des médecins, j'ai pris quand même l'avion pour La Réunion. Et c'est là que tous mes problèmes de santé ont explosé. Bon, mais je suis sénateur, et quelle que soit ma situation de santé, je participerai au débat sur l'avenir de La Réunion quand ce débat viendra au Sénat. Je vais beaucoup mieux, mais je ne suis pas entièrement rétabli. Paul Vergès répondait à Gaël Le Dantec. À Saint-Denis, la mise en place du mercredi matin travaillé au lieu du samedi pour les écoliers de la commune a obligé la mairie à revoir son dispositif mercredi jeunesse, terminer la journée entière de loisirs. Il a fallu proposer une demi-journée d'activité aux enfants. Un changement pour eux, mais aussi pour les parents et les associations responsables du mercredi après l'école. Saint-Denis Enfance gère plusieurs écoles entre les quartiers de la Montagne, le Bas de la Rivière et Saint-François. Daniel D'Ambreville s'est rendu à l'école de la Chaumière pour voir comment ça se passe. C'est bon, les salles sont ouvertes. Dans l'école de la Chaumière, c'est la fin des classes. C'est l'heure où Christelle Autal prend les choses en main. Depuis 11 ans, elle est responsable des mercredis jeunesse dans l'école. Cette année, elle a dû revoir l'organisation pour accueillir les enfants uniquement l'après-midi. On accueille quand même les enfants de 7h à 8h. Ils vont en classe jusqu'à 11h. Ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure avant de prendre le repas. Et après, on repart sur l'après-midi. Un nouveau rythme qui a contraint Christelle à quelques adaptations. Le mercredi, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on favorisait les activités sportives le matin. Sauf que là, l'après-midi, faire du sport, après manger, c'est pas évident. Allez, le mercredi, on y va. Et ce n'est pas non plus évident pour Mégane, animatrice depuis 2 ans. Pour les sorties, on ne pourra plus organiser de sorties vu qu'on ne pourra plus faire de journées. Un changement qui oblige aussi les parents à s'adapter. Principale difficulté, trouver une place pour l'enfant et le temps de venir le chercher. Ce sont des parents qui arrivent. Voilà, donc là, c'est des parents qui sont scolarisés ailleurs. Un sur Gabriel Massé et un autre parent sur Henri Dunant. C'est pas évident pour les récupérer, il faut lâcher son poste de travail, s'organiser, c'est vraiment pas évident. Ouais. Si c'est pas nous, c'est papy, c'est mamie, il y a les oncles et les tantes pour nous aider aussi là-dessus. Heureusement, tous ces bouleversements ne semblent pas affecter les enfants. Au centre, on fait plein d'activités, des trucs, c'est très bien. On joue, on fait des jeux, on fait nos devoirs. On dit au revoir. Au revoir. Un reportage signé Daniel D'Ambreville et c'est la fin de cette édition. Place à l'actualité nationale et internationale avec Anne-Charlotte Costabadi de France Info. 12 millions d'élèves font leur rentrée aujourd'hui, rentrée scolaire sous haute sécurité après les derniers attentats, même si le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve assure qu'il n'y a pas de menace spécifique pour les écoles. Hier, 860 000 enseignants avaient déjà fait leur rentrée avec de nouveaux programmes du CP à la troisième à appliquer ainsi que la réforme des collèges. Le président François Hollande sera en visite dans une école et un collège à Orléans dans la journée. Et François Hollande hier ne l'a pas nommé, mais la référence était claire après la démission d'Emmanuel Macron du poste de ministre de l'économie. Dans un discours depuis l'Élysée, le chef de l'État a déclaré « on ne peut rien faire tout seul », loué également le collectif et l'engagement. Tacle aussi de Manuel Valls depuis une école d'Evry dans l'Essonne. Le Premier ministre a déclaré « moi j'ai un principe, c'est la loyauté ». Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle au calme après les violences à Libreville au Gabon. Après la réélection contestée du président Ali Bongo, l'Assemblée nationale à Libreville a été incendiée, 6 blessés par balle, selon un dernier bilan des tirs entendus. Dans la journée également, de violents affrontements ont eu lieu entre des forces de l'ordre et les partisans de Jinping, le perdant. L'opposant d'Ali Bongo ainsi que la France et les États-Unis ont demandé la publication des résultats de tous les bureaux de vote du pays. Michel Temer est devenu le nouveau président du Brésil. L'ancien vice-président a prêté serment dans la soirée après la destitution de Dilma Rousseff par le Sénat. Elle était accusée de maquillage de comptes publics. L'ancienne dirigeante de gauche dénonce un coup d'état parlementaire, mais a lancé à ses partisans, nous reviendrons. Le port du Havre n'est désormais plus bloqué. Les activités portuaires reprenaient dans la soirée. Des ouvriers CGT étaient en grève hier suite à l'interpellation de 2 dockers par les forces de l'ordre. C'est en lien avec des violences à Paris en marge d'une manifestation contre la loi travail. Les dockers relâchés en fin de journée comparaîtront le 25 novembre prochain. C'est le plus beau coup du mercato de football pour Nice. Il récupère la star de Ligue 1, Mario Balotelli. Younes Belhanna se rendra également à Nice. C'était donc à minuit, fin du mercato de football. On sait désormais que Moussa Sissoko rejoint Tottenham. David Luiz quitte le PSG pour un retour au club anglais Chelsea. Il a signé un contrat de 3 ans. Un autre match de football amical pour la France ce jeudi en Italie, à Bari, à 21h. En tennis, l'US Open avec ce deuxième tour pour les Français, 3 qualifications, Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Lucas Pouille. En revanche, Benoît Paire a été éliminé. Et puis à 20h ce jeudi, le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision. Elle s'appelle aussi France Info. C'est la première chaîne d'information de service public en continu, créée en partenariat avec bien sûr France Info, Radio France, France Télévisions, France 24 et l'INA. Rendez-vous donc à 20h pour le coup d'envoi sur le canal 27 de la TNT. Conseil pratique, il faut redémarrer les box pour faire apparaître la chaîne. Il est 5h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Michael, une nuit encore fraîche. Oui, effectivement, on est avec des températures encore cette nuit et en ce début de journée fraîche, 3 degrés seulement sur le volcan et la plaine des Cafres, pas plus de 17 degrés sur le littoral saint-gillois, mais l'avantage, c'est que le ciel est dégagé partout, sauf peut-être sur l'est de la Réunion où quelques nuages vont s'accrocher. Et justement, pour cette matinée, c'est ce qu'on attend. Un temps bien clément, avec du soleil, mais par contre quelques nuages sur le littoral au vent. Et comme aujourd'hui c'est jour d'éclipse, on veut savoir ce qui va se passer entre midi et 15h. C'est ça. Alors, d'après Météo France, et c'est peut-être la bonne nouvelle, en courte journée, des nuages vont se développer effectivement sur les pentes, mais ils restent inoffensifs. Ils seront certainement par contre plus nombreux sur la partie nord-ouest du département, entre Saint-Denis et Saint-Paul, et déborderont sur le littoral. Mais les régions du sud, du sud-ouest, là où l'on verra le mieux l'éclipse, seront donc sous les éclaircies et le ciel bleu, un ciel clément qui pourrait donc être propice à l'observation de l'éclipse annulaire du soleil. Si ça, c'est pas la bonne nouvelle du jour, bon, on sait plus quoi faire. On voit pas comment faire mieux. C'est plus. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Bon réveil, La Réunion. Bah oui, merci d'être avec nous sur la première jusqu'à 8h. Ça y est, jour J, jour de l'éclipse. Alors forcément, la matinale sera une matinale spéciale éclipse. Forcément, la seconde fois de l'année que l'éclipse, que le soleil s'éclipse. C'est la seconde fois de l'année, aujourd'hui. Et pour une fois, fait rare, la face centrale de l'éclipse passera directement par l'île de La Réunion, une éclipse qui sera annulaire. C'est-à-dire que les trois éléments seront alignés. Terre, lune et soleil. Wow. Mais que nous ne tomberons pas dans l'obscurité puisque ce n'est pas l'éclipse totale du soleil. Attention, il ne fera pas nuit en plein jour. Il ne fera pas nuit, tout ça alors. Mais ça sera un beau phénomène à observer, un phénomène à observer avec ses lunettes. Obligatoire. L'on regardera surtout à 14h et des brouettes, 14h08 très exactement, où à ce moment-là, les trois éléments seront parfaitement aligné et l'on pourra le voir le mieux depuis le village de l'étang du Gol. Exactement, où eh bien, la radio sera décentralisée, puisqu'à partir de 10h, vous pourrez y retrouver eh bien, sur place Claude Montané pour une émission spéciale Les Experts, à retrouver ensuite à partir de 12h15, Philippe Dornier pour un C'est dans l'actu consacré aussi à l'éclipse, et puis émission spéciale jusqu'à 14h30, Claude Montané, Loïs Mussard pour vous faire vivre eh bien, en direct cette éclipse pour tout comprendre, pas avoir peur, vous accompagner pas à pas pendant cet événement. Cette phase annulaire aura lieu entre 14h08 et 14h11. Le soleil sera masqué à 94% et donc pendant 3 minutes, nous verrons le plus beau du spectacle, le clou du spectacle, à 13h d'ailleurs, édition spéciale en télévision. Ça c'est à signaler, tout ça c'est à voir aussi sur internet, réunionpourlapremière.fr. Et comme c'est jour d'éclipse, alors on s'est dit que le grand défi de grand matin allait changer. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites là, là à 5h15, qu'est-ce que vous allez faire en ce début de matinée avant cet événement qu'on attend à La Réunion, puisque le prochain ça sera dans 184 ans. Ouais, ça va être dur pour le défi dans 184 ans. Envoyez-nous vos photos du moment pour immortaliser ce moment du 1er septembre. Et pourquoi pas avec vos lunettes. Eh oui, si vous avez déjà vos lunettes spéciales pour l'éclipse, si vous avez fabriqué des petites choses spéciales avec vos enfants pour pouvoir regarder l'éclipse en toute sécurité, eh bien vous n'hésitez pas, vous envoyez vos photos sur la page de Grand Matin. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est le cadeau. Des invitations pour le cinéma et le tirage au sort pour vendredi pour tous ceux qui envoient leurs photos. Avec croisière et découverte, vous irez sur le catamaran Catapassion pendant 3 heures. Passez une excellente après-midi avec la personne de votre choix. Et c'est Cata Fantastique. Ça, c'est du beau cadeau. C'est oui. Ah ben ça, elle aime bien, Isabelle. Cata Fantastique. Priska, l'éclipse est aujourd'hui. Bonjour Priska, ça y est. Comment il est? On y est arrivé. Bonjour les amis. Bah écoutez, on est sous la pluie, alors on espère ça c'est pas bon. Dégagé ici du côté de Sainte-Marie. Mais bon, en même temps, il fait toujours froid. Et puis pour la bonne nouvelle, je n'ai pas croisé encore de loup-garou. Hein. C'est bien, ma chérie. Tout va bien. Vers Papanon. Mais on va en parler tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Entre 9h et 10h. Donc, si vous avez une histoire de bébête à partager, hein, à quelques heures de l'éclipse, 0262 99 2000, sinon vous venez me rejoindre du côté du marché Fora de Brapanon. Exactement. Merci beaucoup. Et vous l'avez entendu avec Prisca. De côté est, la pluie tombe, les chaussées sont mouillées. Soyez extrêmement prudents. Tout ça devrait s'améliorer d'après Météo France. 5h45 pour Prisca et à 5h30, justement, on parlait des loups-garous, on parlait des croyances et des superstitions autour d'éclipses. Parce qu'il y en a pas mal. Tu m'étonnes. Allez, à tout de suite. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. Tout ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Première. Et que vous réservent les astres pour ce jour d'éclipse? On va poser la question à Juliette. Oh, Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour un nouveau mois. Ce mois se nomme septembre. Nous sommes le premier, nous fêtons les Gilles en ce jeudi. Ça vous dirait d'écouter l'horoscope de la première? On y va tout de suite. Les béliers, un peu trop de confiance en vous. Taureau, vous êtes soucieux de votre image et vous êtes tyrannisé par votre besoin d'être aimé. Gémeaux, vous êtes impulsif, actif et particulièrement enthousiaste en ce début de mois. Cancer, vous n'y allez pas par quatre chemins pour dire ce que vous pensez aux gens. Lion, vous êtes bien obligé d'y mettre du vôtre si vous voulez que ça avance. Vierge, parfaite entente avec les Sagittaires côté professionnel. Balance, vous êtes particulièrement consciencieux au travail et particulièrement fiable aussi. Scorpion, vous pourriez être attiré par vos ancêtres, par l'histoire de votre famille. Sagittaire, vous allez travailler en communion avec votre partenaire. Capricorne, vous êtes dans une bulle et vous ferez tout pour y rester. Verseau, sérieux vous êtes et pragmatique vous resterez. Poisson, termine par vous. Provoquant, sûr de votre charme, vous ouvrez toutes les portes. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Excellente journée à toi, Juliette. Merci. Hein, toujours cette voix douce qui m'enchante tous les matins et qui vous enchante aussi. Elle est toujours pas là avec toi. Oui, je sais. Elle a dit bonjour tout le monde. Ah, ben c'est déjà pas mal. Ah, pas dit bonjour. Que je suis dedans. Bon, l'hippodrome de Deauville accueillait hier le tiercé quarté quinté plus du dernier jour du mois d'août. Exactement. Et pour gagner hier, il fallait jouer le 17, l'As, le 13, le 11 et le 16. 17, As, 13, 11, 16, numéro plus gagnant, le 28-64. Cet après-midi, eh bien, votre quinté va se courir à Chantilly. Exactement. Comme la crème, ce sera le grand handicap des Flyers. Un départ prévu à 15h47, 14 partants, 1400 mètres à parcourir, 4 500 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 4, l'As, le 3, le 8, le 13, le 2, le 5 et le 7. 4, As, 3, 8, 13, 2, 5 et 7 pour votre quintet à Chantilly, grand handicap des Flyers. 4 500 000 euros dans la tirelire, départ prévu 15h47. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Restez là, on va faire le tour du monde des éclipses et notamment des croyances. C'est sûr, tout ça. Un maximum. Et puis on remontera aussi dans le passé. Très loin. Bon. Oui, la Chine antique, notamment au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on pensait de l'éclipse? On vous le dira. Après. Bon grand matin. Bon réveil à tous. Laisse le peuple causer, Loïc Panaï. Laisse le peuple causer. Mais elle t'y entend pas. J'attends de tracalas en la politique. Mais dis laisse le peuple causer. Versé dans l'amour déjà. À force mon grand-papa, vibration positive. Mais dis laisse le peuple causer. Mais elle t'y entend pas. J'attends de tracalas en la politique. Moi, mais laisse mon cœur causer. Versé dans l'amour déjà. À force mon grand-papa, vibration positive. Fait trop longtemps, tout l'a pour crier. L'argent il fait couler le sang, tiens de mon familier. L'autre côté, le gouvernement, il en bouche l'osier. Fait croire à nous, aux enfants, que nous les pressions. Mais non, faut pas croire ça, mon frère, why non. Connais ça la blague, mon frère, why non. Babylone, mais ça l'enfer. Mais ça tient t'entends pas. J'attends de tracalage dans la politique. Mais il est bloqué à cause. Mais c'est dans la moitié. À force, mon grand-papa, vibration positive. Il est bloqué à cause. Mais ça, tu n'entends pas. J'attends de tracalage dans la politique. Moi, il est mon cœur à cause. Mais c'est dans la moitié. À force, mon grand-papa, vibration positive. Bon Dieu la donne à nous la vie, faut pas oublier ça. Faut que nous vivons à l'île, faut pas nous perdre la foi. La réunion où ça les olive, dans les hauts, dans les bas. Pollution pour fatigue à l'île, faut nous faire attention ça. Ah non mon frère, ouvre les yeux sur réalité. Ah non mon frère, prends conscience la vérité. Ah non mon frère. J'attends de tracalage dans la politique. Mais il est bloqué à cause. Mais c'est dans la moitié. La force mon grand papa, vibration positive. Il est bloqué à cause. Mais tu n'entends pas. J'attends de tracalage dans la politique. Moi, il est mon cœur à cause. Mais c'est dans la moitié. La force mon grand papa, vibration positive. Bien. Yeah. Et dans Grand Matin jusqu'à 8h, Loïc Painaï avec Les Lopep Causé. Bon début de journée avec nous. Aujourd'hui, jour d'éclipse, jeudi 1er septembre 2016. On retiendra cette date dans l'histoire de la Réunion. L'histoire scientifique en tout cas, et des événements, tout simplement. Ça n'arrive pas tous les jours, une éclipse. Mais et non. Ça peut aussi arriver à d'autres endroits de la planète, puisqu'aujourd'hui, du Brésil à l'Australie, on pourra voir cette éclipse. Donc annulaire du soleil. Oui, on pourra la voir, éclipse partielle par endroit, puisqu'elle ne sera pas donc tout à fait centrale comme pareil à la Réunion. Pareil partout. Par exemple en Inde, alors en Inde, aujourd'hui on ne verra pas l'éclipse, mais en Inde on a quand même quelques croyances autour de ces éclipses. Par exemple, se baigner dans le Gange après une bonne éclipse serait pas mal pour se purifier. Mais ce n'est pas tout. On préconiserait de se rincer les yeux avec sa première urine, oui, c'est pas très glamour. Un jour d'éclipse pour ne plus jamais avoir les yeux qui grattent. Très sérieux. Bon, on voit mal quand même comment l'urine peut faire du bien aux yeux. Mais c'est une croyance, toujours en Inde, cela par reste exemple. Une croyance. Dans certaines contrées, on pense qu'il ne faut pas toucher à de la nourriture quand il y a une éclipse. Ni le manger les poser sur la table, ni le manger si par exemple Nana est dans le frigidaire. Il ne faut pas toucher à la nourriture. Si tu as touché à de la nourriture pendant l'éclipse, cette nourriture doit être jetée. Surtout donc, pas faire consommer. Très attention, faire voilà, très attention. Par exemple, il y a aussi au Togo, on a aussi des croyances. Ah oui, mais là c'est joli là, au Togo, Bénin par exemple. Eh bien, on pense que pendant l'éclipse, c'est un peu comme si la lune, le soleil qui se faisait la guerre d'habitude, tu sais, ils se courent après, ils se croisent jamais. Eh bien là, ils se rendent compte et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des câlins, ils se font des bisous, ils font la mignon, paix. Oh, alors c'est du mignon, coup, c'est tout vous ça. Eh ben, en temps d'éclipse, eh ben que fait-on? On se réconcilie avec un membre de sa famille. Si on a une dette qu'on n'a pas payé à quelqu'un, eh bien c'est le moment propice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on cesse tout combat avec un proche, son voisin ou alors un membre de sa famille. C'est ce que ça veut dire pour eux. Voilà. Il n'y a plus de combat, il y a vraiment cette notion de faire la paix, absolument, Michael. Donc ça, c'était bien beau. Ça. Alors, au Groenland, les Esquimaux ne plaisantent pas du tout avec l'éclipse. Oh. On est persuadé que la maladie touchera les foyers qui ne prennent pas certaines précautions pendant le phénomène. D'accord. Tous les ustensiles de cuisine là-bas doivent être retournés, notamment les couverts tête en bas. Pour les Esquimaux d'Alaska, une éclipse est une mort du soleil. Oh. Elle annonce des catastrophes et des épidémies. ça fait froid dans le dos. C'était un peu pareil d'ailleurs au temps des Incas, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ah bah oui, mais là-bas pour eux c'était difficile, ils vouaient un véritable culte au soleil. Donc si tu veux, lorsqu'il y a une éclipse, notamment une éclipse de soleil, eh bien c'est synonyme d'apocalypse. Selon la croyance populaire, eh bien, c'est comme si c'était la mort du dieu soleil, donc c'est la cata. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on essaye de sauver le soleil, on essaye de faire en sorte qu'il revienne absolument sur Terre. Alors on sort, on va dehors, on prend des casseroles, on prend des trucs, on fait un max de bruit, du bruit, pour que le soleil revienne. Et heureusement, il revient. Heureusement, il revient. D'ailleurs, Christophe Colomb, à l'époque, avait pris les Indiens pour des billes. Colomb, que les Indiens... Pas cool, hein. Ils décidaient de sortir le coup du grand blanc qui commande le soleil. Et ils savaient calculer les occurrences des éclipses. Voilà. Et ils étaient terrifiés. Ils lui offrirent tout ce qu'ils désiraient jusqu'à ce qu'ils repartent de l'île. Vous rappelez de cette histoire, hein, quand même. Comme quoi, les croyances sont tenaces et les croyances peuvent vous faire un peu n'importe quoi. En Europe, au Moyen-Âge, on était persuadés que concevoir un môme en pleine éclipse allait faire de lui un monstre démoniaque. Oui, alors c'est sûr qu'il faut vraiment le faire exprès pour procréer en pleine éclipse. Écoute, on ne sait jamais, ça peut être une idée. Tiens, une éclipse. Ça peut être une idée, bah oui. Chérie, une éclipse. C'est vrai que tout le monde s'arrête pendant 2-3 heures, bah chérie, allez. Bah non. Faites attention, on ne sait jamais, hein, vous pouvez concevoir des monstres. Bon, ça peut arriver. N'importe quoi, ça, c'était au Moyen-Âge. Bah oui. C'était au Moyen-Âge, bien sûr, on est bien d'accord. Sérieux. Quand même. Bon. Puis vous faites ce que vous voulez pendant l'éclipse. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, mettez vos lunettes. On sait jamais. Et l'éclipse, c'est aujourd'hui sur Réunion Première. Et même les jours d'éclipse, on peut faire des chansons. Bien sûr. En fait, de Bonnie Tyler. Regarde. Elle aime bien Cécile Thomas, Bonnie Tyler, oui, avec la voix de Bonnie Tyler. Elle a la voix de Bonnie Tyler. Bon, sinon, tu vois, dans toutes les croyances, j'aime quand même celle du Togo, du Bénin, qui dit qu'aujourd'hui, il faut profiter pour faire la paix et se réconcilier. Et ben voilà. C'est pas le cas au Gabon, avec en ce moment, l'actualité nationale. Avec qui on est fâché. Enfin, bon, tu vois, c'est bien. On t'amènera sur cette note de fraîcheur. Bah oui, by Isa. Bah voilà, oui, c'est la note bien. By Isa le matin, comme ça. Vive les bisounours. Vive la paix. Vive la fraîcheur. Peace and love, mes frères. Bon. C'est parti, c'est 5h30. Eh bah oui, bah si c'est 5h30, c'est l'heure. Hein. L'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Qui va en classe? Qui n'y va pas ce matin? Éclipse totale d'éducation nationale dans certaines communes. On fera le point avec Olivier de la Richaudie. Nous entendrons aussi la détermination d'un enseignant du tampon qui a emmené ses élèves à la cité du volcan pour travailler sur le phénomène de l'éclipse solaire d'aujourd'hui, même si les écoles sont fermées au tampon cette journée. Réunion première vous fera vivre le phénomène. Restez avec nous. Des éthylotests sur les bus, c'est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, explication dans ce journal. Et puis nous irons sur la plage abandonnée, Boucan-Canote, désertée depuis l'attaque de requins samedi dernier. C'est la fin du compte à rebours. Tout à l'heure, le soleil et la lune ont rendez-vous dans le ciel de la Réunion à partir de 12h22. Le soleil sera lentement grignoté. Notre étoile disparaîtra dans l'ombre à l'exception d'un anneau. Un spectacle naturel qui sera visible partiellement dans certaines communes et pleinement dans d'autres. À Saint-Louis, au Gol, on attend du beau temps au village de l'éclipse qui a été installé pour l'occasion. Le temps est plus couvert du côté des écoles. C'est le grand cafouillage dans l'éducation nationale. Deux syndicats enseignants ont lancé un préavis de grève pour aujourd'hui. Il dénonce le manque de sécurité pour observer l'éclipse avec les enfants. Du coup, toutes sortes de possibilités s'offrent à vous ce matin. École ouverte jusqu'à 11h, école fermée toute la journée, école ouverte toute la journée. On fait le point avec Olivier de la Richaudie. À chaque commune, sa stratégie pour faire face au désistement annoncé du personnel encadrant. À Sainte-Marie, à la Plaine des Palmistes ou encore à Sillaos, les maires ont choisi de fermer les écoles maternelles et de libérer les élèves des classes élémentaires à 11h. Revirement à Saint-André, où la pause déjeuner n'est plus avancée mais tout simplement supprimée, puisque les écoles seront toutes fermées ce 1er septembre. À Saint-Denis, avec trois quarts des établissements sous le coup de ce mouvement social, les parents ont été invités à s'informer au cas par cas. Positionnement intermédiaire à la possession, le premier magistrat a choisi de rationaliser les moyens moyens, 8 établissements sont fermés pour assurer un service minimum dans les autres écoles de la commune. Enfin, choix plus courageux ou hasardeux, c'est selon celui des maires de l'Étang Salé et du Port, qui ont choisi de maintenir ouvertes des écoles où le taux de grévistes attendu est de 100%. Olivier de la Richaudie, difficile de savoir donc ce matin combien de professeurs feront effectivement grève aujourd'hui, combien d'élèves pourront suivre avec un enseignant le phénomène qui mérite explication. Au tampon, André-Étienne Acoun a tranché, il a décidé de fermer les écoles maternelles et primaires, au regret des enseignants qui avaient travaillé sur l'éclipse avec leur classe et qui comptaient accueillir les élèves aujourd'hui. Patrice Melchior est professeur des écoles à la Plaine des Cafres, il a accompagné ses élèves à la Cité du Volcan. Ils ont assisté à une conférence sur l'éclipse. Patrice Melchior. Le fait que le maire de la commune ait fermé les écoles le jour de l'éclipse, forcément, ça nous empêche de faire un travail pédagogique avec les enfants. Et je me suis dit que, puisque je ne pouvais pas faire des observations directes avec eux, d'une part, je vais leur permettre, avec des instruments, de le faire chez eux. Mais là, l'occasion était trop belle que de venir à cette conférence où je pense qu'ils ont appris énormément. Le sujet est passionnant, même si un très grand nombre d'informations ont été transmises. Pour vous, il va y avoir une suite au niveau pédagogique ? Ah, évidemment. Et même la suite va être longue et on va faire des manipulations pour que ce qui a été dit aujourd'hui se traduise aussi en actes pour qu'effectivement il puisse y avoir la construction d'une connaissance. Patrice Melchior, enseignant interrogé par Pierre Komorasamy. À événement exceptionnel, émission exceptionnelle sur Réunion Première, Jimmy Dorseuil, animateur scientifique de l'Observatoire astronomique d'EMAC, sera l'invité de la matinale à 7h15. Il répondra aux questions de Philippe Dornier. Et puis dès midi 15, vous retrouverez Philippe Dornier en direct du village Éclipse du Gol à Saint-Louis. Émission spéciale, c'est dans l'actu. Vous vivrez en direct le premier contact entre le soleil et la lune, prévu donc à midi 22. Vos questions, vos réactions au 02 62 99 2000. Attention sur la route, si vous voyez une lumière fulgurante sur la Nationale 3 à la Confiance à Saint-Benoît, ce ne sera pas un reflet du soleil. Le radar automatique fixe à cet endroit contrôlera désormais la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation. La vitesse maximale autorisée reste limitée à 50 km/h. Un panneau annonce la présence du radar dans chaque sens de circulation et cette mesure donc entre donc en fonctionnement aujourd'hui. Autre nouveauté sur la route, à partir d'aujourd'hui, l'éthylotest anti-démarrage devient obligatoire dans les transports en commun. Le système est prévu pour détecter la moindre vapeur d'alcool. Si le chauffeur a plus de 0,2 g d'alcool par litre de sang, l'éthylotest bloque le démarrage du véhicule. Bruno Collin dirige la société SCVA qui a équipé près de 90% de la flotte réunionnaise. D'autres professionnels du transport se sont montrés intéressés par cet outil de prévention. Il y a certaines entreprises qui ont entendu parler d'éthylotest anti-démarrage pour les bus. Et donc, ces chefs d'entreprise sont venus nous voir pour leur flotte de poids lourds, puisqu'en fait, ils souhaitaient monter des éthylotests anti-démarrage sur leur poids lourds. Donc, on a fait de même, en fait, hein, sauf que cette fois-ci, on n'a pas mis de bouton de démarrage d'urgence. Le chef d'entreprise n'a pas souhaité. Donc, il veut vraiment un système très fiable, c'est-à-dire si le chauffeur a plus de 0,5 g d'alcool, le véhicule ne démarre pas et il n'y a aucune possibilité de le contourner. À ce jour, on a équipé quelques flottes en poids lourd, ainsi que quelques véhicules personnels. Ça, c'est plutôt des personnes qui veulent protéger un membre de leur famille. Bruno Collin, directeur de la société SCVA, interrogé par Johan Adama Dorassi. 5h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. La politique, Isabelle, avec les réactions à la nomination d'Erika Barrette au ministère des Outre-mer. Elle remplace Georges-Paul Langevin et a pris ses fonctions hier. Dans le passé, il y a eu Raymond Barre, ministre de l'économie, puis Premier ministre, et Margie Sudre, qui avait été secrétaire d'État chargée de la francophonie. Une réunionnaise ministre au gouvernement, une bonne chose pour la Réunion. Vos réactions recueillies par Laurent Figon. C'est une très bonne chose, c'est sûr. Pouvoir faire avancer au niveau de l'emploi pour les jeunes, le chômage, etc. Essayer de faire baisser le chômage, je ne sais pas si elle pourra, mais peut-être. On garde espoir. J'en suis ravie. Ça met la Réunion en valeur, donc c'est plutôt agréable et c'est chouette. J'espère qu'elle représentera bien la Réunion. Ben, je suis content pour elle et pour nous aussi, puisque c'est la première. Ben là, c'est 7 mois, on ne peut pas faire rien dans un gouvernement. Alors, hein. On ne peut pas faire de miracle. Hein. Ben oui, tant mieux pour nous. Une créole, une réunionnaise, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on attendait. Une réunionnaise ministre, on est fiers d'en avoir une. C'est vraiment formidable, quoi. Mais même si c'est un peu de temps. Donc, j'espère que plutôt la sécurité... Et l'un des bébés d'Erika Baredj, qui était jusqu'à hier secrétaire d'État à l'égalité réelle. C'est un texte, un projet de loi qui doit être présenté en séance publique à l'Assemblée le 4 octobre prochain. Comme tous les ultramarins, les Réunionnais avaient l'opportunité de se prononcer sur ce texte avant cet examen à l'Assemblée. Le sénateur communiste Paul Vergès a d'ailleurs bien l'intention de faire entendre sa voix. Selon lui, l'intitulé même de ce projet de loi montre que 70 ans de départementalisation n'ont pas permis d'obtenir l'égalité, notamment à cause de la surrémunération des fonctionnaires. Il a donc écrit au président de la République pour lui suggérer de tirer les leçons de cet échec et de prendre en compte les réalités locales et régionales. Très fier d'avoir reçu une réponse de François Hollande, Paul Vergès en profite pour taper sur les autres élus locaux coupables de ne rien faire selon lui. Que le président de la République me réponde personnellement qu'il a été intéressé par ce document que j'ai envoyé et qu'il en sera tenu compte. Il est évident que dans l'immédiat, je suis satisfait. Dans l'avenir, je ne crois pas au miracle. Vous dénoncez vos collègues élus de La Réunion. Vous dites qu'ils ne s'intéressent pas au débat qui va s'ouvrir pourtant le 4 octobre au Parlement. S'ils s'intéressaient, il faudrait connaître leur point de vue. Moi, j'ai fait connaître mon point de vue sur tous les plans, à partir de l'histoire de La Réunion, de la géographie de La Réunion, et je mets en garde sur un certain nombre de données et je propose des solutions. Tout élu a le devoir de réponse, de rendre compte de sa prise de responsabilité sur un document aussi important. Jusqu'à maintenant, c'est le silence total. Paul Vergès, interrogé par Gaël Le Dantec. Avant de refermer ce journal, on fait un détour par Boucan-Canotte. Depuis l'attaque de requins samedi soir, la plage est désertée. Les restaurateurs font grise mine, sans filet de protection. Le site se vide de ses touristes et de ses habitués, Nadine Bachelot. Terrasse inoccupée, zone piétonne délaissée, plage déserte, restaurant vide. Depuis samedi, Boucan présente un visage inhabituel. La désaffection des lieux rend l'endroit beaucoup moins dynamique. Et pourtant, les quelques badauds qui sont présents ne veulent pas se laisser gagner par la psychose, comme cette enseignante du port. Je suis bien consciente qu'il y a un problème, mais je refuse de laisser le patrimoine qu'est l'océan à l'abandon. Moi, je suis réunionnaise, je suis usagée de la mer et ce qui se passe m'attriste, mais je refuse de céder à la psychose, ça c'est une évidence. Et la jeune femme se rappelle son enfance insouciante au bord de la mer. La plage de Boucan, on la connaît bien, on y était tous les jours, on s'est baigné ici le jour, la nuit, on a fait des feux de camp, on a surfé, on a fait plein de choses diverses et multiples, que ça soit Boucan, que ça soit les Roches Noires, que ce soit les Brisants, que ça soit Saint-Leu. La mer, c'est un endroit qu'on a toujours respecté. On est toujours allé dans l'océan en ayant conscience des risques certes, mais des risques raisonnables. À l'heure d'aujourd'hui, il se passe quelque chose complètement d'inhabituel. On peut pas s'imaginer qu'on va aller temps salé, se faire attaquer à 3 mètres du bord en eau claire, c'est quand même incroyable. Les riverains et les commerçants ont peur de l'image que ce nouveau drame pourrait donner de l'île. Seul le chat blanc, qui dort paisiblement sur la chaise, n'a pas l'air de se rendre compte de l'ambiance qui règne sur la zone balnéaire. Nadine Bachelot est dans notre journal de 6h30. Vous entendrez le témoignage d'un restaurateur de Boucan-Canotte qui souhaite porter plainte contre le surfeur qui a été attaqué par un requin samedi. Vous entendrez pourquoi il lance cette démarche. Un sujet qui fait polémique et qui tranche aussi avec un gros débat sur la question. Merci Cécile, à 6h, le journal de Stéphanie Lorac. Pour le moment, il est 5h40 sur la première. Ciel nuageux par endroits, Mickaël, mais ça devrait s'améliorer pour oui, l'éclipse. Alors, selon les dernières observations qui nous remontent de l'Est et du Sud, c'est pas vraiment très fameux hein, au niveau du temps actuellement. Il y a même des averses sur la plaine des Cafres, l'entre-deux, la région des hauteurs du Sud sauvage, notamment celle de Saint-Joseph, le volcan, et l'Est de la Réunion. Alors, a priori, c'est pas là où l'on verra le plus l'éclipse aujourd'hui. En tout cas, l'observation maximale, optimum de l'éclipse se fera plus entre Saint-Louis et Saint-Pierre. De ce côté-là, ça devrait vite s'améliorer. De l'autre côté aussi, normalement, hein, c'est ce que nous annonce Météo France. On devrait avoir quelques nuages cet après-midi, surtout sur les hauts et sur les hauteurs du nord-ouest, entre Saint-Denis et Saint-Paul. Mais globalement, le ciel sera clément pour le jour d'éclipse. Donc on croise les doigts pour que les prévisions de Météo France se réalisent, tout simplement. Températures qui vont remonter après les fraîcheurs matinales et qui atteindront les 26 degrés sur Saint-Gilles, avec du vent qui soufflera encore aujourd'hui, un vent qui pourrait donc dégager les nuages, un vent qui soufflera 90 km/h sur la région de Saint-Pierre notamment. Donc on l'attend, ce vent, parce qu'il sera important aujourd'hui, pour ce jour d'éclipse. Pour une fois. À 5h45, oui, c'est Prisca qui sera de retour. Sur le marché de Brapanon, avec des fruits, des légumes, des moons, plein de moons. C'est ça le marché forain. Et avant 6h, on vous fait gagner vos invitations pour le concert événement du 7 octobre, Enfants Zilou avec l'Indigo. Dans la joie, soleil brille. C'est le jour J de l'éclipse, à suivre sur Réunion Première dès 10h en radio, et la matinale est déjà aux couleurs de cette éclipse annulaire du soleil aujourd'hui. Et regarde, regarde. Ouais. Je m'éclipse. Ah, ça y est. Ouh là là, ça c'est la vieille blague du jour. Hein. J'éclipse. Bon, et d'ailleurs, si vous avez les lunettes de l'éclipse pour regarder cette éclipse du soleil, et si vous voulez juste immortaliser l'événement de ce 1er septembre, vous faites toutes les photos possibles et vous les envoyez sur la page Facebook de Grand Matin. Exactement. GRN apostrophe matin et matéienne. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que pour ces photos-là, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. C'est ça, ouais. Des invitations pour aller au cinéma, et vous participerez au tirage au sort à la clé. Eh bien, votre croisière sur un catamaran offert par Catapassion. Et ça, Mickaël, c'est catafantastique. Voilà, elle aime bien, donc je laisse lire. Allez, on va au marché. L'éclipse annulaire de soleil du 1er septembre 2016 sera un événement exceptionnel. Elle sera visible à La Réunion de 12h20 à 15h40. Attention, le soleil ne peut être observé directement qu'en utilisant des filtres spécialement conçus pour protéger les yeux. Le port de lunettes spécifiques constitue un moyen simple et sûr pour observer l'éclipse. Ces lunettes sont des équipements de protection individuelle et doivent être conformes aux dispositions prévues par les directives européennes et porter le marquage CE de conformité. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitez-en pour avoir les ponchettes. Première. Et on file au bazar, Mickaël. Allons. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et aujourd'hui, jeudi, c'est jour de marché à Brapanon, Prisca. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour, Prisca. Dominique, nous sommes en train de prendre le thé. Dominique, bonjour Dominique, comment ça va? Je suis malade. Oh. Ah, comme beaucoup. Donc Dominique, elle a dans la main droite une double dose de thé ce matin. Bah oui. En effet, oui. C'est quoi comme thé que vous buvez? Alors moi, je bois que du thé vert. Là, c'est au citron. Donc vous allez vous installer, Dominique. Qu'est-ce que vous vendez sur le marché? Alors moi, je commercialise du miel et de la confiture. On aurait besoin d'une bonne cuillère de miel là, hein, pour Isabelle, Mika. Ah, oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous avez quoi? Est-ce que vous avez du miel litchi? Alors, le miel litchi n'est pas encore sur le marché. Mmh. Les abeilles sont en train de récolter le nectar. Mmh. Et elles nous préparent normalement une bonne cuvée pour cette Merci abeille. Les abeilles. Il n'y a pas comme miel, là, ce matin. Alors, moi, j'ai du miel de toute fleur et du baie rose. Mmh. Bon, on va déguster ça. Hein, et vous avez aussi des confitures, Dominique, c'est ça? Alors, oui, des confitures artisanales que je fabrique moi-même. Il y a quoi, là, ce matin? Alors, j'ai toute une gamme à base d'agrumes. Donc j'ai du citron, j'ai de l'orange amère, de l'orange pays qui est toute douce, très parfumée, et de la clémentine également. Et Dominique, c'est où même il fait les confitures? Exactement, moi. Comment on fait ça, vous? Avec bois ou... Non. Oui, au feu de bois, non, parce que moi je trouve que le feu de bois, bien que ce soit très traditionnel, dénature parfois le goût du fruit. Et je manque malheureusement de maîtrise sur le feu de bois. Mais par contre, je les traite en petite cuisson, je chouchoute mes petits fruits, je les choisis, je choisis de préférence des fruits non traités. Et puis, comme je vous disais, je fais de toutes petites cuissons, donc je garde le goût du fruit. Et j'ai eu l'occasion de goûter la confiture de fraises de Dominique, de fraises pays, faite maison. Ouais. Mamma mia, ça change. C'est délicieux, c'est délicieux. Bah d'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le petit déjeuner avec Dominique. Ah bah vous avez de la chance. Prisca, bah tout à l'heure, Prisca, oui. À tout à l'heure, la confiture, on va bien. La confiture de fraises, ramenez-nous-en si vous pouvez, oui. Parce que c'est vrai qu'on attend. Confiture de fraises, bah attendez, on va poser la question. Je sais pas si elle en a, Dominique. Ah Dominique, vous en avez de la confiture de fraises? Alors j'ai pas encore de confiture de fraises. J'ai malheureusement mon fournisseur n'en a pas encore cette année. Non. Parce que ça commence là les fraises. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai du mal à mettre la main sur de bonnes fraises. Ça parce que comme je vous disais, je choisis mes fournisseurs, je choisis mes fruits pour avoir un maximum de goût dans mes confitures. Eh bien continuez comme ça. On va choisir une autre saveur et on va vous faire déguster ça. Ça marche. Merci Prisca, merci Dominique. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Eh ben on joue pas pour de la confiture, mais pour des places de concert, nous. Allez. Pas mal aussi. Première. Bien sûr que c'est bien, dis donc. Ouais, parce que là aussi, ça vaut le détour. Ça a du goût, ça a du piment. L'indigo et Désiré François sur scène. C'est ce qu'on vous offre, des invitations pour ce concert Enfants Illois, c'est au mois d'octobre, mais il faut déjà prendre ses places maintenant. Il y en a à gagner tout de suite au 02 62 99 2000. Bon d'accord, suffit de nous appeler et après quoi? Et ben après, il faut quand même trouver ce qui se cache derrière le mix de DJ Fou. DJ Fou, bonjour DJ Fou. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Pourquoi tu as la mine catastrophie? Catastrophé comme fait, ça. Oui. Catastrophé. Enfin, oui. Remarque, son mille est un peu café, catastrophique pareil. Aussi, il faut dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu nous as mixé des titres de films catastrophes. Ah. Oh là là. Oh là là, attention. Des films que vous avez déjà vus alors. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Si vous n'avez pas le nom du titre, pas le nom de l'artiste, vous donnez le nom du film. Eh. Ça va, ça vous fait trois chances de gagner quand même. C'est encore plus facile. Bon, ok. Normalement. Le titre, c'est l'artiste facile, hein, ou DJ le film. Fou, hein. C'est facile. Bon, on va écouter ça. C'est le mix du 1er septembre. Oh oui. Oh trop dur. Oh c'est dur. DiCaprio, Kate Winslet dans ce film. Si tu sautes, je saute. Je suis le roi du monde. C'est ça, hein. Oui, la c'est ça. À la pro du bateau. Ah. Eh, ce film où la planète Terre est en danger. Aïe aïe aïe. Attention. Allez, on va du côté du standard. 02 62 99 2000. Qui si vous voulez jouer avec nous, c'est le moment d'appeler. Allô, vous avez le nom du titre, oui, de l'artiste ou du film. Vous appelez, vous faites exploser le standard et on rejoint tout de suite quelqu'un ou quelqu'une, on sait pas. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Sabine. Bonjour Sabine. Sabine, comment allez-vous Sabine? Ça va et vous? Bah très très bien. Vous verrez où l'éclipse aujourd'hui vous? De mon travail. De votre travail? Qui se situe? Oui, à Saint-Denis. À Saint-Denis, eh ben parfait, vous le verrez entre collègues? Oui, je pense. Bon, bah, toutes vos photos d'éclipse, de toute façon, sur la page Grand Matin, du ce jour d'éclipse, hein, parce que vous n'avez pas photographié l'éclipse. Non, non. C'est dangereux, faites attention quand même. C'est ça, professionnel. À moins que vous ayez un appareil de professionnel. Voilà. Et même sur la page Facebook de Réunion Première. Hein. Bien sûr. N'oubliez pas, Sabine. Oui, oui. Vous avez vos petites lunettes? Oui. C'est bien. Vous pouvez d'ailleurs faire une petite photo de vos petites lunettes et aussi participer à notre jeu. Comment? Tout à l'heure. Vous pouvez faire une photo de vous avec vos lunettes de l'éclipse. Oui. Bien oui. Sûr. Ah bah faites-la, comme ça vous la postez sur la page Grand Matin, vous la connaissez, cette page Facebook, Sabine? Oui. Ah. Oui, oui, je la connais. Bah, eh bah parfait. Comme ça vous aurez raflé tous les cadeaux de la matinée. Sabine, Sabine aime les cadeaux. Attendez, c'est possible. Hein. Alors bon. Sabine, que se cache-t-il derrière ces titres? On vient de vous passer. Alors, j'ai les titres des films. Ouais. Alors, Titanic. Ouais. Oui. Et Armageddon. Armageddon. Alors, Titanic, c'était la grande québécoise. Céline. Céline Dion. Céline Dion avec My Heart Will Go On, effectivement. Et puis, Armageddon, c'était Aerosmith qui avait fait le titre. Okay. I Don't Want to Miss a Thing. Voilà. D'accord. Ma chère Sabine, ouais, pour la petite culture musicale. Pour les informations. Au passage. Bon, moi, ce que je préfère vous dire, c'est que vous avez gagné les cadeaux, d'accord? Génial. C'est pour vous, ma chère Sabine. Deux entrées pour le concert Enfants Illois. Ça va se passer au petit stade de l'Est au mois d'octobre prochain. Cassia, l'Indigo, l'ambiance, rien que l'ambiance. C'est tout pour vous, ma chérie. Super, merci beaucoup. Sabine, on vous fait des bisous. Bisous à vous aussi. Et on vous souhaite une bonne journée. Bon réveil, Sabine. Allez, bye bye. Bonne journée, bonne éclipse. On va retenir sa bonne éclipse. 5h53 dans toute la Réunion, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Huette Benoît Louis. Monsieur Huette Benoît Louis, le décès survenu mardi à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 1, chemin de la Cayenne, ravine glissante à Sainte-Rose, aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Rose à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Décès de Monsieur Caroupin Julius. Monsieur Caroupin Julius, c'est survenu mardi à l'âge de 67 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 44, allée des Armoises, à Ravine des Cabris, aujourd'hui à 9h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Terre Sainte à 10h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. décès de Monsieur Armougom Albert. Monsieur Armougom Albert, dit Mano, le décès est survenu hier. La veillée se fait à son domicile 21 Passe des Acacias à la rivière Saint-Louis. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 8h en l'église de Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Or Camille. Monsieur Or Camille, retraité de la chambre de commerce de l'aéroport de Gillot, le décès survenu mardi à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 38 rue Marchande, quartier français à Deux-Rives à Sainte-Suzanne, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Vivienne à quartier français à Sainte-Suzanne à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Ragout Marie-Ange Christiane, née Biteau. Madame Ragout Marie-Ange Christiane, née Biteau. Le décès survenu hier à l'âge de 90 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon demain, vendredi. La bénédiction aura lieu en la chapelle du frère Scubillon au Tampon à 10h, suivie de l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Monsieur Payette Henri. Monsieur Payette Henri, dit Tida Innocent. Le décès est survenu hier à l'âge de 74 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 35 rue Dioflard, au barrage à la Saline Léo. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Mickaël, quelques infos pour aujourd'hui. Avec une coupure d'électricité à prévoir sur Saint-André de 8h à 14h, ruelle Bras de Songe, Janac, route de Salazie, chemin Dioré, lotissement Dioré et ruelle du Bras Citronnier à Sainte-Marie. Il en est de même de 8h30 à 15h, chemin de Coteau-Rouge, route des fleurs, en partie. À Saint-Denis de 7h45 à 17h, rue du Bois-Neuf, les Léon-Dierks, ainsi qu'à Salazie de 8h à 14h, chemin de la Cascade Blanche et route de Salazie. Des collectes de sang étaient prévues aujourd'hui, notamment au Tampon, mais suite aux dispositions prises par la mairie du Tampon pour l'éclipse du 1er septembre, l'EFS est contraint d'annuler la collecte de sang de ce jour. Il s'excuse auprès des donneurs pour la gêne occasionnée. Elle est reportée, cette collecte, au jeudi 8 septembre à la mairie du Tampon, salle des mariages, entre 8h et 14h30. Aujourd'hui, il y en a quand même une au GHER de Saint-Benoît de 9h30 à 14h. Tiens, on salue André du Tampon sur le 06 92 70 2000. Vous vous réveillez peut-être en ce jour d'éclipse, jour J. Eh bien, c'est le moment de faire cette photo pour immortaliser l'événement de votre réveil. Exactement. Bah oui. Une photo de vous avec vos petites lunettes de l'éclipse, pourquoi pas, ou par sans, exemple. Comme mais vous voulez. Vous faites ça seulement si vous voulez gagner des cadeaux. Ah hein. Oui, parce qu'il y a des cadeaux à la voilà, si vous avez envie d'aller au cinéma, vous faites votre petite photo. Si vous avez envie de gagner peut-être votre croisière pour deux personnes sur un catamaran, ah bah oui. Vous faites votre photo. Après l'éclipse, bah après oui. Que la fin du monde ne soit finalement pas la fin du monde, quoi. Voilà, l'éclipse ce week-end, ça sera peut-être, quoi. Ça sera peut-être pour arrête vous la croisière. Mais, matin, non, là. Mais non, mais non, mais pas du tout. Mavado. Mais c'est lui, la fait peur, moi, là. Bon réveil, bonne journée. Vous êtes dans Grand Matin. C'est our destiny. C'est our destiny. Says our destiny. She says our destiny. She get next to me. This a girl I want flex with me. Rest with me. Nothing less sissy. So me give you the best of me. The girl I want like a gypsy. One more shot and she get tipsy. She have the itsy. The real itsy bitsy. Second round of the lady. It necessary you a drive me crazy. The way you whine you a blaze me. You know take a bag of man like the Navy. Settle down on me lady. Broke it out on the floor, you're not lazy. Your lifestyle is not shady. And you know take a bag of man like the Navy. You know see the thing turn up in a ya. Girl a wind it like a propeller. Brace it up, wanna suck me ya. It's same one damage up, Jennifer. Me lace her up like a ear Nike. She take a ride on the big bike. She must be things that the things like. Y'all ball out like lightning, the things strike. Circle down on me lady. It necessary you a drive me crazy. The way you whine you amaze me. Fin de take a bag of man like the Navy. Circle around on me lady. Broke it out on the floor, you're not lazy. Your lifestyle is not shady. And you not take a bag of man like the Navy. On the beach or a pool party. Man not at no fool, fool party. For the girl them me keep free party. Any girl can wine get double D 40. Yeah, yeah. Girl wine up your body. Climb up, wine up like you want me. Your pretty looks are charming. The moment that you saw me. Circle down on me lady. You know she say you a drive me crazy. The way you wine you amaze me. You know take a bag of man like the Navy. Circle, circle, circle, circle down on me lady. Broke it out on the floor, you're not lazy. Mavado avec Settle Down et celui qui multiplie les passages dans le zapping est arrivé Stéphane et Nilora, qu'on m'encourage. Il est 6h sur la première. Le journal de la rédaction, Stéphanie Nilorac, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Découverte d'espèces endémiques, retard de chantier. Les travaux de sécurisation des rampes de Basse-Vallée s'éternisent. Ils pourraient même être suspendus dès aujourd'hui. Explication à suivre. Aujourd'hui, le 1er septembre, les études de test anti-démarrage deviennent obligatoires dans les transports en commun. Un système qui fonctionne comme une boîte noire. Tous les faits et gestes des conducteurs seront enregistrés. Des milliers de Réunionnais, les yeux rivés sur le ciel ce midi et pour ne pas gêner leur travail, un espace sera réservé aux scientifiques au village Éclipse de Saint-Louis. Vous entendrez d'ailleurs l'un d'entre eux en fin de journal. Il nous explique comment expliquer le phénomène aux enfants. Les travaux de sécurisation des rampes de Basse-Vallée vont-ils être suspendus? On devrait le savoir aujourd'hui. La direction régionale des routes attend une autorisation des services de l'État pour poursuivre ou non ce chantier débuté le 11 avril dernier. Le point avec Sophie Persson. Le chantier de sécurisation des rampes de Basse-Vallée va de surprise en surprise. Au début, alors qu'on ne s'y attendait pas, on a découvert des espèces endémiques d'orchidées et la présence de certains animaux qui ont nécessité des adaptations du chantier. Conséquence, il n'a pas pu démarrer aussi vite que prévu, mais depuis avril, tout roule. Enfin presque, l'entreprise choisie a pris du retard, ce qui représente un vrai problème car pour des raisons environnementales, le chantier est autorisé à fonctionner jusqu'au 1er septembre seulement. Après, fini le balai des hélicos afin notamment de protéger les passereaux. La direction régionale des routes a donc demandé une dérogation pour pouvoir poursuivre encore un peu et elle attend donc la réponse des services de l'État. Et Sophie Persson est toujours sur la route alors que le radier du Waki à Saint-Louis est de nouveau ouvert à la circulation depuis hier soir. Des travaux de pose de gabions sont prévus aujourd'hui et demain dans le secteur de Chemin-Ibon sur la RD52 route de Grand-Ilette à Salazie. Il y aura des coupures de circulation de 45 minutes maximum entre 8h30 et 16h. Et puis faites attention à bien respecter la limite de vitesse de 50 km/h sur la RN3 à Saint-Benoît. Un nouveau radar double sens en service à partir d'aujourd'hui à la confiance. Assurer la sécurité des voyageurs, c'est aussi l'objectif de cette mesure de l'État qui entre en vigueur en ce 1er septembre. Les éthylotests anti-démarrage sont désormais obligatoires dans les transports en commun de personnes. Si le chauffeur a bu de 0,2 g d'alcool par litre de sang, l'éthylotest va bloquer le démarrage de l'autocar. Un système qui n'est cependant pas sans faille. Bruno Collin est le directeur de la société SCVA. Il a équipé près de 90% de la flotte réunionnaise avec ce système. Et il prévient, les petits malins peuvent être détectés. Il faut savoir qu'un éthylotest anti-démarrage, c'est une boîte noire, comme un avion. Ça mémorise tout. C'est-à-dire que vous aspirez au lieu de souffler, ça va l'enregistrer. Vous cassez le plomb, vous démarrez avec le bouton d'urgence, ça va l'enregistrer. Vous déconnectez l'éthylotest, ça va l'enregistrer. Vous déconnectez la batterie, ça va l'enregistrer. Donc en fait, après, a posteriori, le chef d'entreprise, il peut télécharger les données de l'éthylotest et voir tout ce qui s'est passé et savoir qui a joué la malice. À terme, les petits malicieux, il y en aura de moins en moins, je pense, parce qu'ils vont se faire avoir. Il y a des contrôles qui sont effectués. Il faut savoir que l'éthylotest anti-démarrage, une fois par an, qui passe dans nos ateliers, nous, on contrôle justement si il n'y a pas eu de fraude et on le recale à 0,2 g d'alcool, puisqu'en fait, pour les bus, c'est 0,2 g d'alcool. Bruno Collin, directeur de la société SCVA avec Joanne Adamadorassi. En politique, satisfaction du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer, suite à la nomination d'Erika Baretsch au poste de ministre des Outre-mer. Richel Sacri, le représentant local de l'organisation, insiste notamment sur le poids des ministres ultramarines, Annick Girardin et Erika Baretsch, dans le cadre des négociations en cours autour de certains textes. C'est un atout, d'autant que ces deux ministres étaient présents au dernier dîner du CREFOM à Paris et des échanges sont fructueux et permettent d'avancer. Aujourd'hui, le décret que voulait faire la ministre Girardin est en cours de discussion, les propositions sont en cours de discussion au niveau des administrations centrales, donc on espère que ça va aboutir, mais le poste qu'occupe aujourd'hui Erika Baretsch sur le ministère des Outre-mer va renforcer son impact sur la suite des événements. Richel Sacri, représentant local du CREFOM, répondait à Francis Bourgoin. Ce jeudi, Saint-Louis, capitale astrologique de notre île, l'éclipse annulaire mobilise des centaines d'experts du monde entier et des milliers de Réunionnais. Ils se donneront rendez-vous au village éclipse de l'étang du Gol, un village ouvert au public certes, mais avec une zone réservée aux experts ou aux astronomes. Michel Vignan, le président de l'association astronomique de la Réunion, nous explique pourquoi. Ce village, je l'ai conçu en particulier à partir de mes expériences, bien sûr, vécues ailleurs dans le monde lors des éclipses. Et il était important que, en particulier, les astronomes amateurs aient un endroit pour observer sans être gênés. Pendant deux fois, il y a quelqu'un qui est passé à côté de mon matériel quand j'étais en train de, ou que j'allais photographier l'éclipse, et quand il faut tout régler au dernier moment, c'est quand même gênant. Donc la première chose, c'était pour tous ceux qui allaient venir d'ailleurs, de l'extérieur de la Réunion et de la Réunion, un coin où ils pourraient regarder tranquillement et photographier l'éclipse. Sur cet espace-là, demain on aura entre 250 et 300 personnes venues photographier le soleil. Michel Vignan, le président de l'association astronomique de la Réunion, était interrogé par Valérie Filin. Et les équipes de Réunion Première seront elles aussi à Saint-Louis. Dès 10h, Claude Montanet sera au village du Gol, tout comme Philippe Dornier pour un C'est dans l'actu spécial après le journal de midi. Avant cela, Philippe Dornier recevra Jimmy Dorseuil, animateur scientifique de l'Observatoire astronomique des MAC. Il sera l'invité de la matinale à 7h15. Édition spéciale en télé également pour vous faire vivre cette éclipse en direct. Nous attendons vos témoignages et vos photos sur tous nos canaux, téléphone, SMS, Twitter et Facebook. Et puis, on vous en parle depuis ce matin, de nombreux établissements scolaires seront fermés aujourd'hui par principe de précaution en raison de la grève des enseignants. Et cette éclipse, certains enfants la regarderont donc avec papa et maman. Avant cela, et puisque ça n'a toujours pas été fait à l'école, comment bien leur expliquer le phénomène pour qu'ils en profitent pleinement? Pour les plus petits, rien de mieux que la démonstration avec des objets de tous les jours. C'est la réponse de Jean-Luc Maurice de l'association Les Petits Débrouillards. Il se met dans la peau du papa face à un enfant de 4 ou 5 ans. Ben, je vais déjà te piquer ton ballon de foot en mousse, là, les gros ballons jaunes, là, et puis je vais prendre une des oranges qu'il y a dans le saladier, et puis avec une grosse lampe torche, mais on va mettre la lampe torche qui va servir de soleil, la puissance lumineuse, et là, il faut qu'on produise une ombre, donc on va avoir la terre, ça va être le gros ballon, et puis entre les deux, entre la lampe torche et le ballon, on va mettre l'orange. L'orange, elle va être éclairée d'un côté, puisque forcément le soleil l'éclaire, mais de l'autre côté, elle est dans un énorme noir, ben, c'est ce qui va se passer. Là, on va avoir l'alignement du soleil, de la lune et de la terre, ben c'est le ballon. Et on va avoir une ombre qui va se produire obligatoirement sur la terre, sur le ballon. Et donc, ben nous, on a la chance d'être sur la tache d'ombre qui est sur la terre. Jean-Luc Maurice de l'association Les Petits Débrouillards au micro de Bruce Régent. Et pour les plus grands, on peut aussi découper des cercles de tailles différentes dans du carton et jouer sur l'écartement pour que la lune, plus petite mais plus près, paraisse presque aussi grosse que le soleil. Plus de précision à 8h. Place désormais à l'actualité nationale et internationale avec Anne-Charlotte Costabadi de la rédaction de France Info. Ce soir, il y aura une nouvelle chaîne de télévision sur vos écrans. Elle s'appelle France Info. C'est la première chaîne d'information de service public en continu, créée en partenariat avec, bien sûr, France Info, Radio France, France Télévisions, France 24 et l'INA. Lancement à 20h sur le canal 27 sur la TNT. Conseil pratique, il faut redémarrer la box pour faire apparaître la chaîne. Une rentrée scolaire pour près de 12 millions d'élèves aujourd'hui. Ils vont retrouver leurs 860 000 professeurs qui ont déjà fait leur rentrée hier. Il faudra s'adapter à la réforme des collèges et de nouveaux programmes du CP à la 3e. Et face au risque d'attentat, il y aura de nouvelles mesures de sécurité, comme plus de patrouilles dynamiques, mais pas de menaces explicites sur les établissements scolaires. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, hier. Bernard Cazeneuve qui rencontre ce matin le président du Conseil représentatif des associations asiatiques de France. Hier soir, 3 jeunes, dont 2 mineurs, ont été mis en examen et placés en détention provisoire après l'agression en août, l'agression mortelle d'un Chinois à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. La communauté chinoise d'Île-de-France avait manifesté plusieurs fois en demandant un renforcement de la sécurité et dénoncé des attaques contre leur communauté de façon répétée. Rien ne permet de déterminer s'il s'agit d'un nouveau règlement de compte. Le procureur de la République de Marseille émet un doute après un nouvel homme tué par balle dans une impasse du 13e arrondissement hier après-midi. Emmanuel Macron défend le choix de la cohérence, prend un risque, mais verra en temps voulu s'il est candidat à la présidentielle de 2017. Il a tenu ses propos dans un entretien à paraître aujourd'hui dans Ouest France, après sa démission du poste de ministre de l'économie. Un tacle hier soir de Manuel Valls depuis une école d'Evry dans l'Essonne. Le Premier ministre a déclaré « Moi j'ai un principe, c'est la loyauté » et a ajouté « On ne s'improvise pas candidat à la présidentielle, il n'y a pas de place pour les aventures individuelles ». Situation extrêmement tendue au Gabon après la réélection contestée du président Ali Bongo. L'Assemblée nationale à Libreville a été incendiée par les manifestants, de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Également, l'opposant d'Ali Bongo, Jean Ping, a annoncé dans la nuit via son compte Twitter que son QG aurait été pris d'assaut par les forces de sécurité. Il y aurait des blessés. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé au calme. Jean Ping, la France et les États-Unis demandent la publication des résultats de tous les bureaux de vote du pays. Le président mexicain prévient qu'il ne paiera pas pour un mur à sa frontière. Réaction d'Enrique Peña Nieto après les propos de Donald Trump. Le candidat républicain à la présidentielle américaine en visite au Mexique a déclaré à côté du président que les États-Unis avaient le droit de construire un mur et même que le pays, le Mexique, paiera le mur à 100%. Beaucoup du mercato de football qui a pris fin à minuit. La palme pour l'OGC Nice, donc, qui récupère la star de Ligue 1, Mario Balotelli. Younes Belhanda également à Nice. Moussa Sissoko rejoint Tottenham et David Luiz quitte le PSG pour un retour à Chelsea. Anne-Sophie, elle veut aller dans le zapping, elle aussi. Aïe, continue comme ça, tu vas voir. 6h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Bien sûr, on ne moquette pas dans cette mais émission. Non, attends, c'est pas la philosophie du tout de l'émission. Juste hein. Un peu. Bon, sinon ça, le soleil sera éclipsé par les nuages ou par la lune? Eh bien, c'est la grande question. Et vous vous la posez certainement ce matin en vous levant. Vous regardez le ciel, notamment dans l'Est et à Brapanon, et c'est vraiment pas beau. Ouais. C'est plutôt maussade, la météo de ce matin. C'est ce que nous dit Raphaël, par exemple, ouais, qui habite là-bas. Salut Raphaël. Alors, a priori, Raphaël, ça devrait aller mieux. D'après Météo France, le temps devrait s'améliorer. Alors, c'est que les nuages seront un peu plus présents à l'Est et sur le Sud sauvage et les hauteurs du sud, c'est ce qui se passe en ce moment, mais tout cela devrait normalement se dégager, hein. Les nuages devraient maintenant donc être inoffensifs en cours de journée, malgré bien sûr une présence un peu plus importante sur le quart nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul, et notamment sur les hauteurs de cette partie de l'île, avec pourquoi pas une ou deux gouttes sur ces pentes du nord-ouest. Sur le littoral, on conservera des éclaircies, surtout sur le sud, le sud-ouest et le nord-est, donc côté Brapanon, normalement. Mmh. Donc dans le sud-ouest, là où on aura l'observation optimum de l'éclipse annulaire, le ciel devrait être clément, et donc globalement, on devrait pouvoir voir cette éclipse annulaire. C'est ce que nous dit Météo France. Même si on peut encore ce matin en douter, c'est vrai. C'est ça, mais bon, d'ici l'éclipse, ça a le temps de... Hein. Puis en plus, il y aura du vent, donc ça risque de dégager les nuages sur Saint-Pierre et de l'autre côté, sur le chef-lieu. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Allez, c'est le premier point trafic de ce matin. Yves Gruyer à l'échangeur de l'Ermitage. Bonjour Yves. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver avec un ciel qui ne serait pas optimal pour le moment pour voir l'éclipse sur cette frange ouest, en tout cas sur ce littoral ouest, puisqu'il y a des nuages. Donc il y a des nuages. Alors c'est dégagé du Maïdo au Grand Bénard, ça c'est sûr, sur les hauteurs, mais par contre il y a sur le bord littoral, donc là, des nuages, et puis il y avait même de la pluie cette nuit, donc la chance est mouillée dans le sud. Attention aux conditions de circulation. Ça va sécher sans doute rapidement parce qu'il y a du vent au programme. Circulation, ça c'était pour le point météo, circulation plutôt correcte sur la route du littoral, donc depuis Saint-Denis jusqu'ici, pas de problème. Dans l'autre sens, ça coince juste avant la tranchée couverte de Saint-Paul, en haut du viaduc, essentiellement jusqu'à Belmaine dans un premier temps, après il y a encore une zone relativement roulante, même si c'est ralenti, et avec encore un petit peu de difficulté pour franchir le pont de la rivière Dégalé, le pont métallique. La circulation se fait ensuite sans problème, donc pour aborder Saint-Denis, des travaux qui sont terminés, semble-t-il, pour les enrobés au niveau de Saint-François, on a rejoint la rue des Paniers, donc il y aura peut-être une nuit en moins donc pour ce chantier donc d'enrobés. Les travaux côté Saint-Benoît sont terminés depuis 5h30-40 à peu près, où la circulation a été rétablie. Attention à la zone de rainurage si vous allez vers l'est ce matin. Très bonne route avec la première. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Jeudi 1er septembre 2016, 6h15, rue de la Réunion, le ciel est un peu nuageux, voire très nuageux sur certains endroits. Et pourtant, on attend l'éclipse aujourd'hui, qui durera 3 heures, entre 12h23 et 15h42. Et vous pourrez vivre cet événement sur Réunion Première Radio à partir de 10h. Claude Montané vous attend. L'émission qui va se dérouler depuis le site du côté de l'étang du Gaule à partir de 10h jusqu'à 14h30. Vous pourrez vivre en direct cet événement, donc l'éclipse avec Claude et ses experts. On en parlera d'ailleurs avant 7h. Et d'après Météo France, elle devrait s'observer convenablement cette éclipse, surtout sur cette partie sud-ouest où on aura de façon optimum cette éclipse. C'est trois éléments alignés, éléments. Terre, lune et soleil. Oui, des éléments, c'est mieux que des aliments. Avec un pic de pain, de beurre, avec chocolat, ça. Ouais. Bon. Avec une phase annulaire de 2 minutes et 44 secondes, très exactement, entre 14h08 et 14h11. À signaler que nous ne serons pas les seuls à être sur cette phase centrale. Des pays allant du Brésil, en passant par le continent africain jusqu'à l'Australie, pourront voir donc cette éclipse annulaire de soleil. Munissez-vous de vos lunettes et surtout ce matin, immortalisez l'événement. Faites cette photo au réveil ou même sur la route de ce jour d'éclipse. Photo avec vos lunettes ou sans lunettes, comme vous voulez, et vous la postez sur la fanpage de Facebook Grand Matin, GRN apostrophe matin et matin. Et vous pourrez gagner des cadeaux, de très très beaux cadeaux, peut-être une croisière. Pour deux personnes sur un catamaran pendant 3 heures. Vous voguerez à deux au fil de l'eau. C'est beau. Et c'est chou. Et c'est catafantastique. C'est catafantastique. Allez donc. Alors attends. Juste après 6h20, ça sera le marché avec Prisca d'ici là. Tairo, jolie fleur, bon réveil, bonne journée à tous. Balance-moi le rythme, une coque la cour, j'ai un message pour la Réunion. Paris c'est beau, oui Paris c'est joli. Mais à Paris il fait de plus en plus gris. Et moi j'ai pas envie de devenir aigri. Je veux un billet pour me barrer d'ici. Besoin d'aller dans un endroit magique. Envie de soleil et de gymnastique. De me jeter à l'eau mais sans élastique. Je veux un billet pour l'île fantastique. Parce que la Réunion elle est comme un joli fleur. Ouais la Réunion est dans mon cœur. Yeah. La Réunion elle est comme un petit bonheur. Mi et ma audite sœur. Ouais. La Réunion des îles c'est la meilleure. Yes yes yes dans mon cœur. Oh, oh. La Réunion elle est comme un joli fleur. 9-7-4 dans le cœur. Ouais. Je lui dis viens me chercher à l'aéroport. On me parle de gossap encore et encore. Je lui dis tais-toi et amène-moi à bon port. On arrive à Saint-Pierre sans effort. Ouais. Je pose mes affaires, je lui dis hé hey, danse allez. Mais juste avant serre-moi qu'à plis ma salée. Pour que sur la plage je n'ai plus qu'à m'affaler. La vie est belle, je crois que je vais m'installer. Yeah. La Réunion elle est comme un joli fleur. Ouais la Réunion est dans mon cœur. Yeah. La Réunion elle est comme un petit bonheur. Mi et ma audite sœur. Ouais. La Réunion des îles c'est la meilleure. Yes, yes, yes dans mon cœur. Oh, oh. La Réunion elle est comme un joli fleur. 9-7-4 dans le cœur, ouais. Plonger, nager dans ces rivières. Descendre du volcan vers la mer. On sent rarement de goût amer. Sauf quand on doit la laisser derrière. Danser, chanter dans son décor. Où le rhum arrange les accords. Je sais pas pour vous mais moi c'est fort. J'ai la Réunion dans le corps. J'aime sa mer et ses montagnes. Me mettre au vert à la campagne. Vous amalez mieux que champagne. Sunny direction Sainte-Anne. Je regrette pas d'avoir quitté Paname. Le soleil brille et il réchauffe mon âme. Mon Maloya étant de jolies femmes. Voilà pourquoi je déclare ma flamme. Yeah. La Réunion est comme un joli fleur. Ouais, la Réunion est dans mon cœur. Tout à fait malbar aussi. Oreilles arabes se mélangent aussi. Y'a des chinois se retrouvent ici. Y'a de la beauté partout par ici. J'te parle même pas de tout ce qu'on voit. Quand on se balade dans les hauts, il faut le voir pour le voir. Le lever de soleil du Maïdo. J'ai pas les mots, c'est si beau qu'il faudrait de la poésie. Quand il se couche et que la mer le touche, que le soleil s'évanouit. C'est là que tu voudrais rester pour toujours. Que le temps s'arrête à son tour. Et si tu doutes, tu n'as qu'à venir faire un tour. Parce que la Réunion est comme un joli fleur. Ouais, la Réunion est dans mon cœur. Yeah. La Réunion est comme un petit bonheur. Mi et ma petite sœur. Ouais, la Réunion des îles, c'est la meilleure. Yes, yes, yes, dans mon cœur. Oh, la Réunion est comme un joli fleur. 9-7 cas dans le cœur. Ouais, Saint-Leu-les-Ponts. Saint-Gilles-les-Ponts, Saint-Pierre-les-Ponts, Mafate-les-Ponts, Saint-Denis-les-Ponts, Langevin-les-Ponts, Sainte-Rose-les-Ponts, Mafate-les-Ponts. Tu es ma jolie fleur, Isa. Tu sais ça? Ouais. Non. Ok, t'y crois pas en fait. Bah non. Venant de ma bouche, je peux pas y croire. Tairo, sur première dans Grand Matin. Encore si c'est lui qui dit. Des fleurs, pourquoi pas, oui, vous peut en faire gagner, tiens. Bien sûr. Des fruits, des légumes aussi à Espace Fraîcheur. Mm-hmm. Tout ça avec 20 euros dans la poche. On vous le donne le billet là, il est à côté de nous, c'est voilà. Pour vous, il suffit à condition d'appeler. Le 02 62 99 2000. Et attention, ça se passe pas dans un quart d'heure. Ah non, parce que maintenant. Le billet, je vais le prendre. Là, là, là, là, allez, là. Il est là, il est à côté suite. De moi. Là. 02 62 99 2000, à tout de suite. On se dépêche. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif : vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle ? Quelles actions peuvent y contribuer ? Quelles sont vos idées ? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Allez, ce panier fraîcheur de 20 euros. Il est pour voter. Qui va pouvoir repartir avec ce panier? C'est ça. Eh bien, si on allait du côté du standard, ma chère Isa. Ok, alors, attends, on va appuyer par là. On appuie? Là. Allons à Saint-Paul. Allez. Je crois qu'il y a Corinne, là. Ah oui, en direction du travail. Coucou, elle travaille dans la Corinne. Santé. Coucou, Corinne. Oui, bonjour. Corinne. Comment il est? Ça va. Bon. Oh là là, ça a l'air mal. Moyen quand même. Hein. Quoi l'a fait? Oui, allô? Oui. Oui, Corinne, on s'entend pas très bien. Vous travaillez dans la santé et pourtant vous... Oui, parce que là, je roule. Ah, c'est pour ça. On dirait que vous n'avez pas la pêche ce matin, Corinne. Comment Comment ? On dirait que vous n'avez pas trop la pêche ce matin, Corinne. Si. Ça va. Ah, bon. Bon. Le matin, oui. Eh bien, Corinne, vous allez pouvoir en acheter plein de pêche parce qu'on vous offre le billet de 20 euros. C'est valable merci. Dans tous les magasins merci. Espace fraîcheur. C'est vrai que je vous entends très mal. Eh ben, mais c'est pas grave. On vous reprend en antenne, on vous fait bravo, gros bisous. Bisous. Bravo. Merci. Bravo, Corinne. Bonne journée à vous. Bonne aussi. Journée, ma chère Corinne. Merci. Allez. Allez, si on allait sur le marché maintenant avec Prisca qui nous attend du côté de Brabannon. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca qui tout à l'heure était notamment en compagnie de Dominique, on a parlé oh, a miel, monde. Confiture, et là avec qui vous voulez. Bah oui, là il y a Monsieur Cadet qui est en train de raconter une anecdote, même plusieurs anecdotes, à Jean-Paul juste en face. Monsieur Cadet y attend la fin des temps pour cet après-midi. Hein. Ah là là. Bonjour Monsieur Cadet. Bonjour. Alors comment ça va se passer cette journée pour la On ne connaît pas, on y attend tout ce qui doit arriver. On attend la fin des temps. Ouais, la fin des temps, ouais. Du paiement, hein. Ah bon ? Je le sais. Où est-ce que vous allez être cet après-midi pour regarder les... Bah moi j'enferme, moi dans la maison. Oui. Vous allez vous enfermer carrément ? Oui, oui, oui. Et pourquoi ? Ah ben une craintive de le bilan qui doit arriver, tout moment. Vous avez déjà vécu une éclipse annulaire ? Oui, il fait des années, oui. Mais pas tout noir comme aujourd'hui. Ah, oula, ouais. Pas tout noir comme aujourd'hui. Il dit qu'il serait noir aujourd'hui toute la journée, tout l'après-midi. Oui. Dieu seul. Est-ce que vous avez des lunettes pour non, regarder non, non, non. Vous allez vraiment vous enfermer chez vous. Enfermer chez moi. Bon, bah écoutez, bon. Moi et ma femme. Et on embrasse votre femme. Merci. Merci, monsieur Cadet. Merci. Ah. Alors, avec sa femme, hein. Avec sa femme, Prisca. Bah oui, hein. Bah oui. Bon. Je sais pas ce qui se passe sur le marché. Mickaël, oui. Tu vends des courgettes à... 1,2 kg, une courgette. Ah oui, quand même. 1,2 kg. 1,2 kg. C'est les courgettes de l'éclipse. Ah oui. Oui, absolument. Et JP, il a ramené une citrouille de Chine. Tu connais la citrouille de Chine? Oui. Elle pèse plus de 20 kilos. Non. Aïe, aïe, aïe. Oui. Qu'est-ce qui se passe, JP? Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça bonjour. Va oui, JP. Ça va, très bien, merci. C'est la citrouille de Chine spéciale éclipse avec la courgette. Voilà, c'est spécial. Ben, hier soir, il s'est passé quelque chose. Ah oui, sûrement. Il y a une citrouille qui était tout petit. Ben, le 1er septembre, il est venu. Il a eu 20 kilos en 24 heures. La citrouille s'est transformée dans votre champ. Phénomène paranormal. Ouais, on va dire. J'ai l'impression qu'on est déjà dans l'émission de Jackie. Là. Ah oui. Ah oui. Croyance et légende, hein, les amis. Ah là là. Et comment vous allez vendre ça ce matin? Je sais pas. Franchement, personnellement, moi-même, je sais pas comment le vendre parce qu'il est tellement gros et on peut pas le couper. Non. Il nous a proposé de le mettre dans le panier garni, mais j'ai refusé aussi. Hein. Ah oui, c'est un panier trop petit. C'est, bon, hein. C'est lourd. Ah ben non, c'est pas, sinon, je sais pas comment je vais faire pour offrir ça à l'auditeur, l'auditrice qui va venir me rejoindre tout à l'heure à 10h30. Hein. Mais bon, on va essayer de voir comment on va négocier tout ça. En tout cas, pour ceux qui aiment les chevaquines, bon, c'est un autre goût. Hein, ah, ça j'aime, moi. Oui. Ou aime ça, ou ah, oui. Isabelle. Ah oui, oui, Isabelle, vraiment. Elle adore les chevaquines. Ouais. Et vous en vendez. Bah, il reste plus qu'un... Ça y est, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est fini, quoi, vendu, fait, vendu. Vendu. Kilos, là. Non, il reste 2 kilos, on va dire. Ah, quand même. 2 kilos, bon. Hein, Isa. C'est pour Isa. C'est des chevaquines de rivière. De rivière, ouais, exactement. Ça vient pas d'ici, hein, donc on rassure. C'est une rivière, déjà, ouais. Pas une rivière de la Réunion. Non, c'est pas la rivière de la Réunion. Déjà, ici, c'est interdit déjà à récupérer. Donc... On est rassuré. Bah oui, heureusement. Et vous vendez ça au kilo, JP? Non, on va vendre en barquette. En barquette. Ah, ok. Eh ben... 5 euros seulement. Et oh, 5 ah, bah ça va. Ça sera le mot de passe? Ça sera le mot de passe, Prisca? Très rare, surtout. Et ça, c'est compliqué à cuisiner. Hein. Donc tout à l'heure, on va vous donner la recette du rougail chevaquine en direct sur Réunion Première à 8h30. Et puis si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour le panier garni. Le mot de passe, c'est citrouille de Chine. Ah, citrouille de Chine. Bon, parfait. Citrouille de Chine. Merci, Prisca. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Message sur le 06 92 70 2000, le temps les pièques sur Saint-Pierre, comment il fait pour l'éclipse? Mon lunette Triscap servi pendant 2 ans. Ah, 200 ans. 200 ans, oui, c'est vrai. Non mais peut-être au niveau du temps va améliorer un peu, Miguel. Oui, c'est donne ce qu'on bonne a dit. Nouvelle souplée. C'est ce que dit Météo France. Voilà. Moi je ne suis que l'apporteur de bonnes ou de mauvaises paroles. Hein. Aïe aïe aïe. On verra. On verra bien. On verra bien. 21 Pilots avec Ifans sur Première. wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. 21 Pilots avec Ifans dans Grand Matin. Bon réveil à tous, on va sur les routes maintenant. Et vous êtes au portail, attention, il y a des gros coups de vent. Oui, au sud de Saint-Leu, c'est des rafales importantes de roues, faut être très vigilant. Hein, donc des rafales bien soutenues et ce temps toujours très maussade, notamment là, brouillard et sans doute pluie sur le Tevelav. Hein, attention sur cette partie haute de la route départementale 16 sur les hauteurs des Avirons. La circulation avec route humide, donc à partir de ce secteur du portail en direction du sud, toujours ces nuages au large. Et ce vent, la circulation donc à peu près correcte en tout cas pour cette partie sud de l'île, des ralentissements qui se situent toujours entre l'échangeur de Plateau Caillou et l'entrée de la tranchée couverte en haut du viaduc, donc ça se passe pas trop mal. Les ralentissements ensuite route du littoral, sortie du tunnel du Cap Bernard avec un boulevard sud qui se traverse encore relativement correctement, donc pas trop de problèmes, pas de problème non plus à l'entrée est, mais attention, les bouchons démarrent bien avant l'échangeur de Petit Bazar. Attention, secteur de la Cocoteraie, vous commencez à être ralenti à ce niveau, si vous allez vers le nord, des bouchons qui s'étalent, en tout cas des zones de circulation très difficiles, jusqu'à la ravine des chèvres actuellement. Bonne route et restez prudents. Merci beaucoup Yves, 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Éclipse du soleil et des enseignants ce jeudi. Retour ce matin sur la polémique autour de la grève lancée par deux syndicats d'enseignants. De nombreux élèves n'auront pas classe aujourd'hui alors qu'ils devaient observer l'éclipse avec leurs professeurs. Nous ferons le point. L'événement est à suivre sur Réunion Première, antenne spéciale éclipse à partir de 10h avec Claude Montanet en direct du village de l'éclipse au Gol à Saint-Louis. Le surfeur attaqué par un requin responsable de la désertion de la plage de Boucan-Canotte. Des restaurateurs souhaitent le poursuivre en justice. Son inconscience, disent-ils, à de graves conséquences économiques. Et puis nous sommes allés assister à une après-midi mercredi jeunesse à Saint-Denis hier. Nouvelle organisation depuis la rentrée, car cette fois, les enfants sont en classe le matin. Reportage à la fin de ce journal. Si vous voyez des ronds noirs cerclés de jaune un peu partout, c'est parce que c'est l'image du jour aujourd'hui à midi 22 dans le ciel de la Réunion. Le soleil commencera à disparaître. Au lieu de recevoir sur Terre les rayons du soleil, on sera dans l'ombre, l'ombre de la Lune avec autour un anneau de soleil. Un phénomène que l'on ne peut pas observer partout. Dans l'île, il le sera partiellement dans certaines villes, totalement dans d'autres, dans les écoles. Des projets avaient été mis en place pour expliquer aux enfants ce qui se passe dans le ciel, mais une grève lancée par deux syndicats d'enseignants fait tourner cette journée au fiasco. Dans 22% des écoles, le taux de grévistes annoncé atteint les 100%. Pour éviter de se retrouver en difficulté, certains maires ont décidé donc de fermer simplement les écoles. Le point avec Jean-François Salle, inspecteur d'académie adjoint au recteur. S'il n'y a pas d'arrêté municipal, alors qu'il peut être reproduit dans la presse, audio, écrite ou affiché sur l'école, ou distribué directement aux parents par le biais des directeurs d'école, s'il n'y a pas de fermeture annoncée, les élèves sont tous accueillis, y compris si vous avez une école pour laquelle le fort taux de grévistes a été annoncé lundi, parce que les maires ont obligation, quand il y a un taux de grève supérieur à 25%, d'assurer un service minimum d'accueil. Donc le parent dont l'enfant ou les enfants sont dans une école qui n'est pas fermée par arrêté municipal seront accueillis et sans souci et en sécurité avec des lunettes éclipses et seront encadrés pour l'observation. Jean-François Salle, inspecteur d'académie adjoint au recteur, répondait à Olivier de la Richaudie. Pour les passionnés de sciences qui ont à cœur de vulgariser les phénomènes comme celui-ci, cette fermeture des écoles ne passe pas. Michel Vignon est très énervé. Cet ancien enseignant est aussi le président de l'Association astronomique de La Réunion. Il ne comprend pas cette volonté de tourner le dos à l'éclipse annulaire du Soleil. Le problème pour un enseignant n'est pas savoir s'il est intéressé ou pas. Le problème, c'est d'intéresser les enfants, c'est de répondre à la demande des enfants. Et quand on a un événement comme celui-là, on ne se permet pas de dire qu'on va prendre un jour de repos, de maladie ou faire grève. Là, les deux syndicats primaires, ils sont peut-être en concurrence aussi, c'est peut-être pour la raison. Pour dire très clairement les choses, il y en a un qui, au mois de juin, a envoyé une lettre au recteur à l'issue de sa condamnation de l'éclipse et des dangers qu'elle représentait et conseillait au recteur de fermer l'école. Vous appelez ça un syndicat enseignant, je leur demande d'enlever le mot éducation de leur sigle, parce que ce n'est pas de l'éducation. Fermer les écoles, c'est quoi? Dans quel pays on ferme les écoles, dites-moi? Donc c'est inadmissible. Michel Vignon, le président de l'Association astronomique de La Réunion, interrogé par Loïs Mussard. Si vous avez prévu du coup de regarder l'éclipse avec vos enfants, restez branchés, voire connectés sur Réunion Première, radio, télé ou internet. Dès 10h, Claude Montanet vous donne rendez-vous. Il sera en direct du village de l'éclipse au Gol à Saint-Louis. À 12h15, suivez en direct le rendez-vous astral avec Philippe Dornier et c'est dans l'actu spécial éclipse. Philippe Dornier et Claude Montanet qui seront avec vous, la Lune et le Soleil, jusqu'au bout de l'événement, 15h40. 6h35 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Autre coup de gueule, cette fois à Boucan-Canot, avec les filets anti-requins. L'activité autour de la plage avait repris, du monde sur les terrasses, des cafés et des restaurants, mais avec l'attaque de samedi, tout est retombé. Une plage désertée, des professionnels qui font grise mine. Ils jugent irresponsable l'attitude du surfeur victime de l'attaque. Sans évoquer ses blessures, ils considèrent qu'il les a plongés dans un marasme dont ils se croyaient sortis, Nadine Bachelot. Il faut arrêter, il faut que les gens prennent conscience que quand c'est interdit, c'est interdit. Pierre Baudereau en a plus qu'assez. Au-delà de son coup de gueule, c'est une prise de conscience qu'il veut. Boucan est complètement sinistré, pratiquement pas un chat ne circule ni dans la zone piétonne, ni sur la plage. Comme le constate également Angelo, un habitué, c'est la prudence qui prime et qui du coup a rendu le site balnéaire complètement désert. Je me baigne pas, c'est surtout les surfeurs et les habitués, ben, ça les a calmés en fait. L'accident, ça a un peu refroidi les esprits. Tout l'engouement qu'il y avait, le fait qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, les filets sont toujours pas opérationnels. Bah, du coup, les gens désertent et vont ailleurs. Les commerces alentours risquent de payer un lourd tribut avec cette désaffection. Ils sortent à peine la tête de l'eau que déjà le spectre du licenciement se profile à l'horizon. Le patron du petit Boucan, installé depuis 6 ans, craint pour la survie de son restaurant. On n'a personne. Le Boucan qui était redevenu très vivant, la plage est complètement vide. Il y a un impact économique qui est colossal. Et si ça dure quelques temps, on ne pourra pas continuer comme ça sans avoir des licenciements. Parce que les chiffres d'affaires sont en train de baisser d'une façon catastrophique et ça ne peut pas continuer comme ça. Depuis samedi soir, c'est simple, on a une baisse entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Et là, on retrouve exactement le même désastre qui s'est produit en 2011. La décision risque de choquer plus d'un, mais le restaurateur va créer un collectif et porter plainte devant une juridiction civile contre le surfeur, victime de l'attaque de requins, pour son irresponsabilité et son inconscience. Un reportage de Nadine Bachelot, un autre témoignage sur ce sujet dans notre édition de 8h. En bref, sur la route, le radar automatique fixe sur la Nationale 3 à la Confiance à Saint-Benoît contrôle désormais la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation. La vitesse maximale autorisée reste limitée à 50 km/h. Un panneau annonce la présence du radar dans chaque sens de circulation. Cette nouvelle mesure entre donc en fonctionnement aujourd'hui. Autre nouveauté sur la route, à partir d'aujourd'hui, l'éthylotest anti-démarrage devient obligatoire dans les transports en commun. Le système est prévu pour détecter la moindre vapeur d'alcool. Si le chauffeur a plus de 0,2 g d'alcool par litre de sang, l'éthylotest bloque le démarrage du véhicule. À Paris, la passation de pouvoir entre Georges Pau-Langevin et Erika Baredge s'est déroulée hier matin au ministère des Outre-mer. La nouvelle ministre n'abandonnera pas son combat pour l'égalité réelle dans les départements d'outre-mer. Elle n'oublie pas non plus les collectivités d'outre-mer avec lesquelles elle promet de travailler en partenariat. C'est une chance d'être là à ce moment-là, pour poser les premières pierres. Il ne faut pas sous-estimer la tâche sur les Outre-mer, très complexe, très transversale, avec des particularités, des singularités. Nous pourrons très certainement construire des choses ensemble parce que le statut n'est pas exclusif d'un partenariat. Donc à nous de trouver les bonnes mesures du partenariat. Erika Baredge, la ministre des Outre-mer, interrogée hier à Paris par Marie-Carline Chardonnay. On vous parlait hier des inscriptions au Mercredi Jeunesse à Saint-Denis, inscription difficile car cette année, les marmailles de la commune ont classe le mercredi matin. Il reste une demi-journée l'après-midi pour organiser des activités. C'est un changement pour les enfants, les parents et les associations responsables du mercredi après-midi. Saint-Denis Enfance gère plusieurs écoles entre les quartiers de la Montagne, du Bas de la Rivière et de Saint-François. Daniel D'Ambreville s'est rendu à l'école de La Chaumière pour voir comment ça se passe. C'est bon, les salles sont ouvertes. Dans l'école de La Chaumière, c'est la fin des classes. C'est l'heure où Christelle Autal prend les choses en main. Depuis 11 ans, elle est responsable des mercredis jeunesse dans l'école. Cette année, elle a dû revoir l'organisation pour accueillir les enfants uniquement l'après-midi. On accueille quand même les enfants de 7h à 8h. Ils vont en classe jusqu'à 11h. Ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure avant de prendre le repas. Et après, on repart sur l'après-midi. Un nouveau rythme qui a contraint Christelle à quelques adaptations. Le mercredi, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on favorisait les activités sportives le matin. Sauf que là, l'après-midi, faire du sport, après manger, c'est pas évident. Allez, le mercredi, on y va. Et ce n'est pas non plus évident pour Mégane, animatrice depuis 2 ans. Pour les sorties, on ne pourra plus organiser de sorties vu qu'on ne pourra plus faire de journée. Un changement qui oblige aussi les parents à s'adapter. Principale difficulté, trouver une place pour l'enfant et le temps de venir le chercher. Ce sont des parents qui arrivent. Voilà, donc là, c'est des parents qui sont scolarisés ailleurs. Un sur Gabriel Massé et un autre parent sur Henri Dunant. C'est pas évident pour les récupérer, il faut lâcher son poste de travail, s'organiser, c'est vraiment pas évident. Si c'est pas nous, c'est papy, c'est mamie, il y a les oncles et les tantes pour nous aider aussi là-dessus. Heureusement, tous ces bouleversements ne semblent pas affecter les enfants. Au centre, on fait plein d'activités, des trucs, c'est très bien. On joue, on fait des jeux, on fait nos devoirs. On dit au revoir ! Au revoir ! Au revoir, c'était un reportage de Daniel D'Ambreville. C'est mignon. Au revoir, Cécile. Merci Cécile, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour les lignes de la presse. (rire) 6h40 sur la première, c'est assez nuageux ce matin. Oui, malheureusement. Alors on se demande si ça va s'améliorer. C'est vrai que sur le bah sud oui, hein. et l'est du département, on a même des averses. Il oui. pleut jusqu'à Saint-Pierre, dans le sud sauvage, dans l'est par intermittence. Bien sûr, ce sont quelques gouttes. La plaine des Cafres en volcan et même sur les hauteurs de Saint-Joseph. Ailleurs, il pleut plus. Mais c'est vrai que bah, les nuages sont bien présents, même si sur le chef-lieu, on voit un peu le soleil quand même se lever là derrière nous. Ouais. C'est pas non plus flamboyant. Alors d'après Météo France, ça devrait quand même se dégager grâce au vent déjà dans le sud-ouest qui va souffler fort. Aujourd'hui 90 km/h à Saint-Pierre et sur le chef-lieu il soufflera un degré moindre et là on devrait avoir des éclaircies aussi bien sur la partie nord que sur la partie sud. Dans l'ouest, là aussi le temps devrait être clément une bonne partie de la journée. Dans l'est, ça sera peut-être un petit peu plus grisonnant. Oui, c'est vrai, faut l'avouer, mais comme l'observation optimum de l'éclipse se passera surtout du côté de l'étang du Gaule, c'est là où on verra le mieux l'éclipse annulaire. Cela devrait bien se passer là-bas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle tout de même. Quelques nuages qui vont se former sur la hauteur du nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul. Ils ne donneront pas de gouttes, visiblement, cet après-midi. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Et donc des températures qui monteront et grimperont après les fraîcheurs matinales. 14 au volcan, 21 au tampon et à Brapanon. Et 25 degrés sur la côte ouest. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes à Piton-Saint-Leu. Oui, avec toujours ce vent. Hein. Donc, il n'y a pas de changement, même si les nuages ont l'impression que veulent s'écarter. Hein. Donc, par rapport à ce qui se passait cette nuit, j'ai un jeune homme qui vient pour chercher des lunettes. Votre prénom, c'est comment ? C'est Jimmy. Ça va, Jimmy ? Ouais, ça va, ça va. À quel endroit vous êtes ? Chez le portail. Pitié au portail. Au portail, vous habitez. Vous êtes au portail. Vous êtes au portail. Vous habitez le portail. Non, non, non. Eh bien, c'est ça, vous habitez où ? Sur Villèle. Sur Villèle, ça serait bien. Voilà, allez, je vous remets deux lunettes, une paire de lunettes, donc, pour regarder l'éclipse en toute sécurité avec les enfants. Merci. Voilà, ils m'ont fermé. Regardez ça tranquillement. Voilà, donc les lunettes, on est également avec moi. Donc la circulation, en attendant, donc se fait sans trop de changement depuis tout à l'heure. Ça se passe plutôt bien avec une partie de la route des Tamarins plutôt correcte et les ralentissements toujours après les changeurs de plateau Caillou. C'est encore une bonne nouvelle. La situation se maintient à ce niveau. Pas encore pris dans trop d'ampleur, pour le moment en tout cas. Route littorale en bas, route des plages, la circulation se fait normalement. Route littoral, par contre, l'attention, ça coince sous le tunnel du Cap Bernard, avec un peu de monde, ça commence à se remplir au niveau du pont Vinsane. Les tranchées se densifient également en sortie des ouvrages pour le moment, avant de rejoindre le carrefour Mazagran ou le giratoire doré. Entrée est toujours dégagée, mais les problèmes, comme tout à l'heure, se situent toujours entre Saint-André jusqu'au premier échangeur de Sainte-Marie. Attention, le trafic est bien soutenu là-bas, et avec de gros ralentissements à proximité de la Cocoteraie. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et bienvenue au cœur de la matinale spéciale Éclipse. Si vous nous rejoignez en ce moment, et oui, on va la vivre ensemble dès 10h sur Rennes Première, cette éclipse, et jusqu'à la fin. 15h42, très exactement, vous vivrez en radio avec Philippe Dornier, Claude Montané, les observateurs, les experts, les astronautes. Voilà. Tout cela donc sur Réunion Première. C'est voilà. Ça, et de toute façon avant 7h on fera un point avec Claude Montané qu'on va réveiller, comme ça il va bien nous raconter tout ce qui va se passer. Il sera avec nous en direct sur Réunion Première, donc à partir de 10h depuis l'étang du Gol. Ouais, on fera ça, on aura les unes de la presse à 6h50 et puis juste avant, comme d'habitude, le Zambrocal quotidien. Et Mulacci. Oui, et c'est l'heure des derniers conseils de dernière minute avant l'éclipse. C'est le jour J. L'éclipse annulaire a lieu ce 1er septembre. Si la météo est clémente, ça devrait être un très beau spectacle. Il faudra néanmoins prendre quelques précautions et protéger votre yeux. Le trou de la sécurité sociale est déjà plus profond que le cratère de Dolomieu, il n'a pas besoin de rajouter en abîmant votre yeux avec soleil. Du coup, en tant que petit-fils modèle, ma essaye de faire de la prévention auprès de mon mémé pour qu'il protège son deux canettes. Mémé, n'est-ce pas un éclipse aujourd'hui, il faudrait vous protéger votre bonnes yeux. L'éclipse, quoi il a encore ça? Bah c'est l'événement de l'année mémé, la lune ça passe devant le soleil et ça cachette à lit pendant quelques minutes. Quoi? Qui s'est payé encore pour ça? Vous allez pas fatiguer gaspiller l'argent de Moon pour Zoban Couillonis? Mais non mémé, c'est un phénomène naturel, personne n'y paye pour ça. C'est encore un piège gouvernement pour cachette un affaire ça non? M'y crois pas ça à moi. Ou veux pas regarder l'éclipse sans nous mémé? Hein? Ou de l'unique cachette soleil là, sans affaire le diable ça, garde poum, il va rester enfermé la case moi. Si la lune est coincée devant soleil et bouge, puis là, nous va voir que ça nous va faire. Mettre la lune pour cacher le soleil, que ça y invente, pas comme là comme couillonis. Ouais, alors les cours d'astrophysique pour mémé, c'est pas pour aujourd'hui. Mais elle a soulevé un point qui étonne à moi. À la Réunion, terre de naissance du petit lys d'amour, n'a pas haine la pensée fait un secte basé sur la fin du monde à cause de l'éclipse? Mais il est sûr que notre 2-3 couillons n'aurait cru. En vérité, je vous le dis, prenez garde. L'avait dit à nous, sortant de Fénoir, les trop tard rasteurs, c'est le Fénoir qui tombe dessus nous, mamaille. C'est la punition du Tout-Puissant pour les péchés que nous avons commis dans l'île. Pour avoir critiqué les Mauriciens, pour avoir fait 8 enfants par famille recomposés pour toutes les allocations, pour avoir acheté un trop gros loto tuné, le Tout-Puissant nous maudit. C'est l'apocalypse, repentez-vous. Bon, le gars est grillé en 3 minutes quand le soleil a fini revenu, mais ça serait comique, non? Sinon, un petit message pour mes camarades myopes, nous allons subir encore cette scène ridicule où nous porterons 2 paires de lunettes sur la tronche. Déjà qu'avec les séances de cinéma en 3D, on ressemble à des abrutis, ça va pas nous arranger, ça. Et pour les autres, je répète, protégez vos yeux du soleil. Pas besoin d'exagérer non plus en rajoutant des lunettes de soleil, une casquette ou un voile. Ah non, ah surtout pas un voile, hein. Pire, une burqa ou un burkini. Non, parce qu'avec les temps qui courent, ça finirait en garde à vue. Et là, c'est sûr, ça t'y verra plus soleil. Le Letchi, toujours aussi piquant. Le matin, 6h46, à tout de suite. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont 2 rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Le Pendathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la région Réunion. Le Pendathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors, nous comptons sur vous autant paquets en poundiac en quantité pour le Pendathlon. Mais attendez, autres. Dimanche 11 septembre, participez au Pendathlon 2016 à Brapanon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.regionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et n'oubliez pas votre petite photo sur la page Facebook Grand Matin. Bah oui, c'est un grand moment, c'est un événement le jour d'éclipse. On le verra plus pendant 184 ans. Hein, c'est ce jour précis. Hein, donc jour vous pouvez prendre votre petite photo de vous avec les lunettes spéciales pour vous, pour les enfants, la casquette. Certaines écoles ont demandé à ce que les enfants prennent une petite casquette. Ce que vous voulez, tout cas, vous faites une photo avec vos amis, vos collègues, pour démarrer cette journée d'éclipse, justement, et vous envoyez tout ça sur la page Facebook de Grand Matin. Pourquoi ? Parce que vous pourrez repartir avec des invitations pour aller au cinéma et peut-être une croisière pour deux en catamaran. Eh ben voilà, vous faites comme Micheline, comme Reynald, et vous rejoignez la communauté Grand Matin. Il est tout nouveau dans le monde musical, sur la scène musicale. C'est un nouveau projet de Skyron, il s'appelle Paul Bayer, et voici Together sur Première en exclusivité. I know nothing about what you talk to me. I'm not the only but just heart of a body. And I know together we will fly so high, so high, so high. And I know together we will feel the sky, the sky, the sky. And I know. We never feel so tired. Not looking for some fame. We don't need to that frame. Such a long time, but we've been around. No one is happened till we get along. And on my way, I walk up all along. But when I'm with you, everything is so gone. And look around, so maybe you'll see. This world is up to you and me. You know for so long, and I swear. You and I to the top, I don't care. So let's enjoy the ride. Paroles sont faciles à retenir. Hein. Ah oui, ça va pas être compliqué. Nouveauté, Réunion Première, Paul Bayer, retenez son nom, Together, c'est un projet de Skyron, il est 6h51 dans toute la Réunion, ceci il est en kiff, elle aimait bien. Hein. Des pompiers en action, une du quotidien ce jeudi. C'est feu de Cannes et ça repart, titre le journal, à Sainte-Marie, à Sainte-Suzanne, plusieurs départs de feu qui ont menacé des habitations ne laissent guère de doute sur leur origine. La piste criminelle est privilégiée au volcan, le gîte a dû être évacué. Autre titre, astronomie, l'éclipse, c'est maintenant, titre le journal. Donc on attendait quand même qu'il fasse jour hein, pour que ce soit l'éclipse. Passation de pouvoir, Erika Baredge prend de la hauteur, écrit le journal. Reconstruction mammaire pour tourner la page du cancer. Football, la rentrée des Bleus. Et puis 40 ans avec le quotidien aujourd'hui. 2003, le toit de Lille sous la neige. Oui, tout ça vaut lunettes, nous dit le journal de Lille. C'est le jour J pour l'éclipse. Le soleil a rendez-vous avec la Lune à partir de 12h22, ciel dégagé selon Météo France. Autre titre, Erika Baredge à l'Outre-mer, une chance pour la Réunion, se demande le journal. Grève dans le BTP, les entreprises réclament 140 000 euros aux syndicalistes. Et puis football, Italie-France, une rentrée très classe, écrit le GIR. Une dernière remarque, examinez les unes des deux journaux ce matin. Jouez à chercher Charlie, vous trouverez une éclipse symbolisée dans les deux journaux par un rond noir cerclé de jaune. Et dans la presse nationale, la rentrée des classes en une d'aujourd'hui en France. Oui, plus de 12 millions d'élèves reprennent aujourd'hui les cours en métropole, de la maternelle au lycée. D'importants changements pédagogiques les attendent, le journal titre du 9 pour tous les âges. Autre titre qui occupe la presse aujourd'hui, Italie-France, les héros de l'Euro sont de retour. C'est du football bien sûr et le match est à suivre ce soir. Aujourd'hui en France qui vous emmène en avant-première dans les coulisses de la télé chez France Info, la petite nouvelle. C'est la chaîne info du service public. Emmanuel Macron, encore lui, est en une du journal Le Monde. Emmanuel Macron, nouvel obstacle sur la route de Hollande, titre le journal. Le ministre de l'économie quitte le gouvernement pour se consacrer à son mouvement politique En Marche. Il m'a trahi avec méthode, juge le président de la République. Autre titre, État islamique, l'inspirateur des attentats en Europe, tué par une frappe américaine. Le groupe djihadiste a annoncé mardi la mort de son porte-parole, Abu Mohamed Al-Adnani, tué dans la région d'Alep en Syrie. Dans le monde aussi, photojournalisme s'est réfugié à notre porte. De la photo aussi en une de Libé, avec un hommage à Marc Ribot. Marc Ribot, photo sensible, titre Libé, le photographe français est mort à 93 ans. En une donc, le peintre Zazou, un cliché de 1953 à Paris, avec un peintre l'air assez désinvolte en train de repeindre la tour Eiffel. Autre titre, mais qui a tué la voix de l'État islamique, se demande Libé, le porte-parole de l'État islamique instigateur du terrorisme de proximité et des derniers attentats commis en France, aurait été tué en Syrie, la Russie et les États-Unis affirment être à l'origine de son assassinat. Ravi de les revoir, l'équipe enthousiaste ce matin. C'est vrai que c'est gentil comme titre. Après son bel euro, l'équipe de France de football fait sa rentrée ce soir à l'occasion d'un match amical prestigieux. Un test utile à 5 jours du déplacement en Biélorussie, première étape des qualifications pour le Mondial 2018. Italie-France à suivre à partir de 23h, heure 2 chez nous. Et la France sur le terrain de la Squadra Azzurra, c'est aussi sur Réunion Première ce soir, un match. Et avec Dimitri. Télévision. Bah oui, vous allez réentendre ce nom, c'est marrant, ça va revenir. Et les souvenirs de l'euro, bon ou mauvais, bon, oui, aussi, malheureusement à la finale. Merci Cécile. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Oui, mais avant Italie-France, il y aura un autre événement et à La Réunion. Et là, on ne sera pas nombreux à le voir dans le monde. On sera quelques îles, quelques pays comme ça, quelques fractions de pays. Et nous, à La Réunion, on a de la chance, on est dans la face centrale de cette éclipse. Et cet événement, vous allez le vivre en direct sur Réunion Première dès 10h. Claude Montanet vous attend sur le site du côté de l'étang du Gol. Bonjour Claude. Salut Claude. Isabelle, Mickaël, bonjour. Bonjour à tous. Alors, paré, pas paré ce matin. Paré, Claude, et vous-même. Vous voulez paré, oui, parce que, en fait, on a tous signé pour ce rendez-vous galant, historique, mémorable, unique, grandiose, magnifique, ce rendez-vous avec le soleil, mais aussi la lune qui a pris rendez-vous avec le soleil. Donc, l'événement est à vivre sur la première dès 10h. J'aurai à mes côtés, évidemment, Jean-Claude Machia qui va se balader dans le village de l'éclipse. Et un chien. Donc, dès 10h du tout à l'heure. Et puis après, on aura des experts, des spécialistes, des chasseurs d'éclipses. On parlera des mythes, des légendes autour de l'éclipse. Ouais. Et puis, on retrouvera Philippe Dornier aussi à 12h15 pour C'est dans l'actu. Et puis, on revient vers les 13h40 jusqu'à 15h à peu près. Et là, on va commenter l'événement en direct. Grand et moment. Notamment ce qui va se passer à 14h08, Mickaël Laurette et Isabelle Waraud. Et le chien avec vous aussi qui veut parler apparemment, lui aussi, qui veut eu son éclipse. Il veut parler absolument, oui. Alors, en plus, je suis un petit peu en retard parce que je dois récupérer Philippe Dornier. Philippe, j'arrive, Ah oui, parce qu'il vous attend en fait. Ce matin. Ah, il y a prendre sa feuille dans l'émission là. Vous le récupérez directement ici à Saint-Denis. en studio parce qu'il a l'invité d'abord avec Jimmy Dorseuil. On puis est d'accord. Puis donc, après, juste après, oui, voilà, juste voilà. après l'invité de la matinale, donc Jimmy Dorseuil. Et puis Jimmy Dorseuil de l'Observatoire des Marques sera aussi avec moi à 10h. Ah, bah parfait. Parfait, merci Claude. Et à tout à l'heure. Bonne émission, Claude. L'éclipse est à vivre sur Réunion Première et en télévision exactement. Aussi, hein, dès 13h, édition voilà. spéciale. Alors notez que le journal télé, eh bien, ce sera à 12h15, du coup, hein, au vu de cette actualité très particulière. Et ensuite, il y aura une édition spéciale, donc à partir de 13h05, présentée par Pascal Souprayen et Émilie de Balmann. Donc voilà, vous suivrez cet événement, eh bien, l'éclipse, en radio, en télévision et sur Internet. En tout cas, sur Réunion Première, c'est sûr. Et on file aujourd'hui à Chantilly, le tiercé quarté Quintet Plus va rendre son verdict vers 15h47, mais d'abord il y a les pronostics. Eh oui, les pronostics de Pascal Maillot, donc pour cette course, le grand handicap des Flyers, il y aura 14 partants, 1400 mètres à parcourir, 4 500 000 euros dans la tirelire. Pascal Maillot, il vous conseille le 3, le 8, le 16, l'As, le 4, le 6, le 12 et le 2. 3, 8, 16, As, 4, 6, 12, 2 et en cas de non partant, le 10. Concernant les pronostics du fouineur, du gire, partenaire Réunion Première, eh bien, il vous conseille le 4, l'As, le 3, le 8, le 13, le 2, le 5 et le 7. Concernant l'arrivée d'hier à Deauville, il fallait jouer le 17, l'As, le 13, le 11 et le 16. Numéro plus gagnant, 28, 64. Et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons responsable. Les voitures se sont-elles éclipsées sur la route, Yves, ce matin? Pas sûr. Vous êtes du côté de Palissade, Yves. Oui, je suis à la Palissade, donc entre Saint-Louis et la rivière, avec une route mouillée ici, hein, toujours ce vent soutenu, gros nuages en regardant au sud de Saint-Pierre, vers Saint-Joseph, etc., sur des hauteurs également, vers le volcan, et puis on n'aperçoit pas le piton des neiges, hein, donc aux portes de Sillaos. Depuis Saint-Louis, la circulation donc plutôt correcte au niveau des échangeurs de Saint-Louis pour le moment, la traversée en provenance de la rivière et vers le giratoire de Palissade, pas encore trop encombrée, mais on n'est pas encore tout à fait à l'heure de pointe de la RN5, pour aller rejoindre la 4 voies. Il y a quand même pas mal de trafic hein, ici, puis également avec les tracteurs. Attention, il y a un piéton qui est en train de descendre, alors que c'est complètement interdit, bien entendu, très dangereux. Donc un piéton qui vient de passer la tranchée couverte côté mer, donc il descend à contresens, il descend vers Saint-Paul, hein, donc enfin le tunnel du Cap Laoussé, il est en train de descendre vers Plateau Caillou plutôt. Donc attention, prudence avec ce piéton en bordure de 4 voies, mais presque sur la chaussée. Donc vous qui le croisez en direction du chute, restez prudent. Les bouchons entre les deux bretelles de l'échangeur de Plateau Caillou, donc là ça se passe encore pas trop mal. Pour la route du littoral, c'est aux Potences, avec les deux tranchées qui sont bien pleines, un peu de monde sur le pont Vincennes, et puis ça y est, donc en provenance de l'Est, les bouchons vont jusqu'au plateau de la Mare, avant de retrouver encore une zone relativement roulante à l'entrée Est de Saint-Denis, mais c'est le dernier quart d'heure avant un peu plus de difficultés. Très bonne route. Merci beaucoup Yves, rendez-vous après le journal, 7h sur la Première. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane et Nil Orac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Établissement fermé toute la journée ou partiellement, pause déjeuner avancée, enseignants en grève, situation toujours aussi floue dans les écoles à quelques heures de l'éclipse annulaire de soleil. Le point dès le début de ce journal. La pédagogie, un rôle que l'art peut assumer, une maquette géante du système solaire inaugurée aujourd'hui dans le sud, et ses dimensions 50 km de rayon. Je suis sénateur et quel que soit mon état de santé, je participerai au débat sur l'avenir de la Réunion. Paul Vergès veut peser, vous l'entendrez, sur la loi sur l'égalité réelle. Une loi chère à Erika Baretsch, la nouvelle ministre des Outre-mer. Prudence et inquiétude à Boucan. Quelques jours après l'attaque de requins, la plage est désertée. À 7h15, l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit Jimmy Dorseuil, animateur scientifique de l'Observatoire astronomique des MAC. L'observation de l'éclipse sera-t-elle ratée pour l'éducation nationale alors que l'événement a été préparé dans les écoles depuis plusieurs mois, notamment grâce aux référents éclipse formés par l'Académie? De nombreux marmailles pourraient être privés de ce moment. Deux raisons à cela. D'abord, le principe de précaution adopté par certaines mairies qui ont décidé de ne pas accueillir les enfants durant la période d'observation du phénomène. Et la grève de certains enseignants ensuite annoncée depuis lundi. Du coup, les municipalités ont parfois dû changer leur fusil d'épaule. À quoi les parents doivent-ils s'attendre? Élément de réponse avec Olivier de la Richaudie. à chaque commune sa stratégie pour faire face au désistement annoncé du personnel encadrant. À Sainte-Marie, à la plaine des Palmistes ou encore à Sillaos, les maires ont choisi de fermer les écoles maternelles et de libérer les élèves des classes élémentaires à 11h. Revirement à Saint-André, où la pause déjeuner n'est plus avancée mais tout simplement supprimée, puisque les écoles seront toutes fermées ce 1er septembre. À Saint-Denis, avec trois quarts des établissements sous le coup de ce mouvement social, les parents ont été invités à s'informer au cas par cas. Positionnement intermédiaire à la possession, le premier magistrat a choisi de rationaliser les moyens. 8 établissements sont fermés pour assurer un service minimum dans les autres écoles de la commune. Enfin, choix plus courageux ou hasardeux, c'est selon, celui des maires de l'Étang Salé et du Port, qui ont choisi de maintenir ouvertes des écoles où le taux de grévistes attendu est de 100%. Olivier de la Richaudie, et toutes ces approximations ne remettent pas en question la valeur pédagogique de l'observation du phénomène. Xavier Daniel, artiste plasticien de l'Entre-deux, inaugure aujourd'hui son projet intitulé Cosmos. C'est une maquette du système solaire qui s'étale dans un rayon de 50 km. Le Soleil et ses planètes sont représentés à l'échelle entre les avirons Saint-Leu, Pierrefonds, l'Entre-deux et Bourg-Murat. Présentation de cette œuvre pédagogique, touristique et populaire avec son auteur Xavier Daniel. Le Soleil, vous ne pourrez pas le louper, il mesure 2,50 m de diamètre, il est dans la rue principale des avirons. Et ensuite, toutes les planètes sont dispatchées dans la Réunion à la distance qui les sépare à l'échelle sur leur orbite. Et ça va de 100 mètres la plus proche pour Mercure, la Terre est à 270 mètres, et la plus lointaine, la planète naine Eris, est à 26 km de là, à la cité du volcan. Le Soleil et les 13 planètes sont en place avec leurs panneaux informatifs, et ensuite j'ai projet de continuer, de rebondir sur ce projet pour organiser une expo itinérante qui pourrait tourner dans les 24 communes de l'île, qui permettrait de prolonger le projet, de diffuser les savoirs scientifiques et techniques. Xavier Daniel, artiste de l'Entre-deux, joint par Pierre Comorasamy. Et si vous avez besoin davantage d'explications et d'informations sur cette éclipse, restez branchés sur Réunion Première. Et des éditions spéciales à suivre toute la journée. En radio, dès 10h, Claude Montanet vous donne rendez-vous au village éclipse du Gaulle. Il y sera rejoint après le journal de midi par Philippe Dornier pour un C'est dans l'actu exceptionnel. Votre magazine Dans les coulisses après 18h sera lui aussi consacré au phénomène. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos commentaires par téléphone, SMS, sur Twitter ou sur Facebook. Et si vous serez tenté de lever les yeux vers le ciel aujourd'hui, restez vigilant sur la route. Un nouveau radar double sens entre en service à partir d'aujourd'hui sur la RN3 à La Confiance, commune de Saint-Benoît. Vitesse limitée à 50 km/h. Incertitude à Saint-Philippe, les travaux de sécurisation des rampes de Basse-Vallée pourraient être suspendus aujourd'hui pour raisons environnementales. Attention aussi aux travaux de pose de gabions sur la RD52 route de Grand-Ilette à Salazie. Secteur chemin Ibon, coupures de 45 minutes maximum sont prévues de 8h30 à 16h aujourd'hui et demain. Retour à la normale en revanche à Saint-Louis avec la réouverture depuis hier soir du radier du Waki. Et puis du nouveau dans les transports en commun, les éthylotests anti-démarrage sont obligatoires à partir d'aujourd'hui. Un système qui empêche au véhicule de démarrer si son conducteur a trop bu. En politique, Erika Barretch est donc devenue hier la première femme réunionnaise ministre. Une nomination au ministère des Outre-mer qui a provoqué de nombreuses réactions, bien souvent des félicitations. Écoutez celle de Richel Sacri, le représentant local du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. C'est quand même la première fois qu'une femme réunionnaise atteint ce niveau de responsabilité. Comme vous le savez, le CREFOM se bat depuis 2014 sur l'accession des réunionnais et réunionnaises au poste les plus importants au niveau des administrations de l'État et également dans le champ politique, bien sûr, c'est évident. Et donc, on ne peut que se féliciter. Et surtout, ça donne une impulsion aux dossiers qui sont en cours, comme par exemple l'application des CIMM pour les mutations, qui est en instance de discussion auprès du ministre de la Fonction publique. En tant que ministre des Outre-mer, je pense qu'elle aura un peu plus de poids pour nous aider à aller enfin vers l'aboutissement de ce décret. Richel Sacri, représentant local du CREFOM, interrogé par Francis Bourgoin. Autre sujet cher à Erika Barretch, l'égalité réelle. Le projet de loi sera débattu début octobre à l'Assemblée. Un sujet qui engage la population ultramarine pour les 25 prochaines années et sur lequel Paul Vergès, lui aussi, veut faire entendre sa voix, même si le sénateur communiste n'a pas pu participer aux séances du Sénat depuis plusieurs mois pour des raisons de santé. Si j'ai eu ces complications de santé qui m'ont tenu éloigné du Sénat depuis plus d'un mois. Non, c'est que j'ai voulu à la fois remplir mes responsabilités à La Réunion et celles du Sénat. Contrairement aux analyses des médecins, j'ai pris quand même l'avion pour La Réunion. Et c'est là que tous mes problèmes de santé ont explosé. Bon, mais je suis sénateur et quelle que soit ma situation de santé, je participerai au débat sur l'avenir de La Réunion quand ce débat viendra au Sénat. Je vais beaucoup mieux, mais je ne suis pas entièrement rétabli. Paul Vergès au micro Réunion Première de Gaël Le Dantec. Boucan déserté, sa plage comme ses restaurants depuis samedi et le drame qui s'y est produit, l'affluence a nettement diminué sur ce site très prisé des vacanciers et des baigneurs. Hier, seuls quelques badauds et des adeptes du bronzage qui se comptaient sur les doigts d'une main avaient investi les lieux. Leur leitmotiv, profiter de la plage mais en respectant les règles de prudence. Et Nadine Bachelot a recueilli la réaction de certains d'entre eux. Je ne vais pas me baigner, c'est juste pour en profiter du soleil. Et puis, comme il y avait rien interdit, donc il faut respecter. Hein. Donc vous, vous respectez, vous n'êtes pas imprudente? Non, pas du tout. Si vous deviez aller vous baigner, vous partiriez où? À l'Ermitage, peut-être. Si je veux me baigner, je vais au lagon. Déjà, là, il y a plus fraîche, il y a du courant. C'est pas pareil, c'est plus pour les surfeurs. Et ce que j'espère, c'est que cette fois-ci, c'est la dernière et qu'enfin, ils comprennent que l'océan, il y a des dangers. Et qu'en plus, samedi, j'étais là à 9h. Les MNS ont fait leur travail. Dès 9h, ils ont commencé à poser les panneaux, à dire que les filets n'étaient pas praticable. Ils appelaient au mégaphone tout au long de la journée pour essayer de les rappeler, dire allez pas à l'eau, mais après c'est pas des gendarmes non plus. Il y a eu beaucoup d'inconscience, d'imprudence. Vous faites vos études en métropole et là vous êtes en vacances. Depuis le drame de samedi, vous n'avez pas eu peur de revenir sur cette plage? Bah non, parce que c'est écrit baignade interdite, donc on sait qu'il faut pas rentrer dans l'eau. Ça ne va pas vous empêcher de venir ici? Bah non, on viendra toujours de toute façon. Peur, non, après c'est sûr qu'il faut être prudent, responsable. Prudence, effectivement. Prudence également sur les routes. On nous informe à l'instant d'un accident entre la Grande Chaloupe et la Ravine à Jacques en direction de Saint-Denis. Un véhicule concerné, il a été mobilisé sur la voie de gauche. La circulation est très compliquée sur la route du littoral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec Anne-Charlotte Costabadi de la rédaction de France Info. Le journal qui arrivera dans quelques petites instants, secondes, le temps que l'information nous parvienne, la voici. Ça y est, c'est la fin des vacances avec des grasses matinées. 12 millions d'élèves font leur rentrée aujourd'hui. Rentrée scolaire avec de nouvelles mesures de sécurité après les derniers attentats, même si le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve assure qu'il n'y a pas de menace spécifique sur les écoles. Hier, 860 000 enseignants avaient déjà fait leur rentrée avec de nouveaux programmes du CP à la 3e à appliquer, ainsi que la réforme des collèges. Le président François Hollande sera en visite dans une école et un collège à Orléans dans la journée avec la ministre de l'Éducation nationale. François Hollande qui faisait référence hier à Emmanuel Macron après sa démission du ministère de l'économie. Il ne l'a pas nommé dans son discours à l'Élysée, mais la référence était claire. On ne peut rien faire tout seul. Le Premier ministre Manuel Valls avec cette phrase. Moi j'ai un principe, c'est la loyauté. On ne s'improvise pas candidat à la présidentielle. Il n'y a pas de place pour les aventures individuelles. Emmanuel Macron qui ne s'est toujours pas déclaré candidat à la présidentielle. Il verra plus tard, a-t-il affirmé dans un entretien qui paraît aujourd'hui dans le journal Ouest-France. L'activité reprenait progressivement au port du Havre dans la soirée. Il était bloqué par des ouvriers CGT après l'interpellation de dockers par les forces de l'ordre. C'est en lien avec les violences à Paris en marge d'une manifestation contre la loi travail. Les dockers ont été relâchés en fin de journée. Ils seront jugés le 25 novembre prochain. Des émeutes au Gabon après la réélection contestée du président Ali Bongo. Son opposant Jean Ping a annoncé dans la nuit via son compte Twitter que son QG avait été pris d'assaut par les forces de sécurité. Il y aurait des blessés. Un peu plus tôt, l'Assemblée nationale à Libreville a été incendiée par des manifestants. Au moins 6 blessés par balle dans de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Michel Temer a prêté serment hier soir devant le Sénat brésilien. L'ancien vice-président devient donc président après la destitution de Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics. L'ancienne dirigeante de gauche dénonce un coup d'État parlementaire mais a lancé à ses partisans « Nous reviendrons ». Décidément, le candidat à la présidence présidentiel américain Donald Trump tient beaucoup à son mur entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher notamment l'immigration illégale. Après être rentré d'une visite au Mexique, le candidat républicain a déclaré lors d'un meeting que Mexico paiera pour le mur à 100%. Ils ne le savent pas encore. Ce soir, il y aura une nouvelle chaîne de télévision sur vos écrans. Elle s'appelle France Info. C'est une chaîne d'information de service public en continu, créée en partenariat avec bien sûr France Info, Radio France, France Télévisions, France 24 et l'INA. Lancement à 20h sur le canal 27 sur la TNT. Et conseil pratique, il faut redémarrer la box pour faire apparaître la chaîne. Le plus beau coup du mercato de football pour l'OGC Nice qui récupère à la star de la Ligue 1, Mario Balotelli. Younes Belhanda également à Nice. Moussa Sissoko est pour 5 ans à Tottenham et David Luiz quitte le PSG pour un retour dans le club anglais de Chelsea. Le mercato, c'est fini. Puis un match de football amical pour la France ce jeudi en Italie à Bari à 21h avant le Bélarus qui servira de préparation pour le mondial mardi. Il est 7h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, le soleil va devoir composer avec les nuages en ce début de journée. Oui, il devrait l'emporter. D'après Météo France, sur un grand quart sur le sud-ouest, entre Saint-Gilles et Saint-Joseph, alors surtout sur le littoral. Bien sûr, quand vous montrez un peu plus, bien vous aurez plus de nuages. Et de l'autre côté, entre Sainte-Marie et Saint-Benoît, grâce au vent qui va souffler, 90 km/h sur la façade sud-ouest vers Saint-Pierre et 70-80 vers Sainte-Marie. Ces deux régions seront vraiment les deux plus belles régions certainement pour voir l'éclipse aujourd'hui, sachant que l'observation optimum de l'éclipse se passe sur le quart sud-ouest. Ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué, il y aura quand même des nuages, il faudra composer avec les nuages du chef-lieu jusqu'à Saint-Paul, des nuages qui seront présents sur les hauts et qui vont donner certainement un ciel bien gris. Sur le littoral, on aura encore quelques trouées de ciel bleu, et puis de l'autre côté, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, cette fois-ci, arrivée nuageuse de l'océan, là aussi, effectivement, le soleil sera souvent masqué. Voilà pour donc la météo de ces régions. Dans l'intérieur de l'île, le volcan et la région des cirques, là aussi alternance de nuages et d'éclaircies. Température fraîche ce matin, 21 degrés au tampon cet après-midi, 26 sur le littoral et 14 à la plaine des Caf. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on va prendre tout de suite des nouvelles de cet accident sur la route du littoral. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. C'est à vous Yves. Alors il y aurait un simple véhicule seul arrêté voie de gauche, ça se passe juste après la courbe ou dans la courbe qui se situe après la grande chaloupe en voie de gauche et donc la circulation ne se fait que sur la voie droite. Une fois passé cette zone, eh bien ça roule jusqu'aux potences. Par contre, avant cet accident, le bouchon démarre quasiment à l'entrée de la route du littoral. Quelques centaines de mètres après le ravin de la Fleur, donc prudence hein, donc et patience pour passer ces 4,5 km de bouchons que vous subissez en ce moment en direction du nord. Après, alors ou une perte de contrôle ou un coup de frein qui a fini dans les glissières ou parce que quelqu'un qui devait regarder, la méga barge d'ourite qui se situe juste à ce niveau. Voilà, prudence en tout cas, regardez devant vous et non pas sur les côtés pendant ces travaux. C'est important. Bouchons ensuite. Du tunnel jusqu'à l'entrée de Saint-Denis pour rejoindre le barrageois, bouchons sur le pont Vinsan, sous les tranchées du boulevard Sud et puis également dans le virage de la Jamaïque avec une petite zone roulante qui se situe entre la descente du plateau de la Mare vers Duparc, donc de Duparc jusqu'à ce virage. Pour le moment, c'est encore relativement roulant. Les bouchons se font en provenance de Sainte-Suzanne jusqu'à Sainte-Marie, bien entendu. Côté ouest, pas de changement. C'est toujours au niveau de l'échangeur de Plateau-Caillou, donc assez peu de difficultés, en tout cas supplémentaires. Et puis ça roule toujours également sur la route des plages de Grand Fond à Boucan. Là aussi, encore pas trop de difficultés. Ici, à la rivière où je me trouve, vous circulez plutôt correctement pour aller retrouver la balance Coco et le giratoire Palissade avant de retrouver le centre-ville de Saint-Louis et la 4 voies. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu moins de monde ce matin. Et on en saura plus dans Yolande, un quart d'heure. Mathieu de la rivière qui sort des lunettes et puis également Charlie qui habitait Balance Coco. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et dans un instant, c'est l'invité de la matinale, Jimmy Dorseuil de l'Observatoire Astronomique des Macs. C'est reparti pour la troisième édition du salon Run in Tech, les 7 et 8 septembre prochains, le rendez-vous annuel du numérique réunionnais. 70 conférences, 50 exposants, 50 ateliers, 40 étudiants et deux concours inédits avec une thématique sur la mise en valeur des savoir-faire locaux en termes d'innovation. Un salon par les professionnels, pour les professionnels. Réunion Première vous fera vivre cette manifestation en direct depuis un hôtel de la côte ouest, les 7 et 8 septembre prochains de 10h à 18h. Inscription gratuite sur www.runintech.re. Tu es étudiant, jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les pompes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. 7h18 sur Réunion Première, vous nous suivez sur radio et sur la radio et sur internet réunion.lapremière.fr. Et ce matin, bien sûr, Philippe Dornier reçoit son invité. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous recevez Chimi Dorseuil, animateur scientifique de l'Observatoire astronomique d'EMA, qu'il est avec vous. Chimi Dorseuil, bonjour. Bonjour. Depuis le temps qu'on en parle de cette éclipse, ça y est, elle arrive. C'est ce midi qu'on va vivre ce spectacle de la nature exceptionnel. À quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, donc, il faut savoir que donc les trois objets vont être alignés. Donc, on aura donc à partir de 14 heures, donc on aura la Lune au centre du Soleil, donc un anneau de lumière tout autour du Soleil. Les trois objets dont vous parlez, donc, c'est le Soleil, la Terre, la Lune. Donc, ils vont être dans l'alignement. C'est la nouvelle Lune. Donc, et c'est pour ça qu'on va se retrouver dans ce stade-là. Un événement rarissime. Hein. Voilà, en tout cas pour nous, c'est pas rarissime. Donc, il y a des éclipses de Soleil et de Lune, deux dans l'année, à chaque fois. On peut arriver même jusqu'à 7. Donc, mais nous, compte tenu, on est petit dans l'océan Indien, donc la bande de totalité tombe très rarement sur notre île. Donc, il doit y avoir à peu près une 60 éclipses qui a pu être visible sur la Réunion. Entre 2 et 7 éclipses par an, mais au niveau mondial, évidemment. Voilà, alors le phénomène doit durer à peu près 3h30. Ça va commencer et se finir à quel moment? Alors, ça va commencer à partir de 12h22, qu'on appelle le premier contact. Donc ensuite, il y aura le deuxième contact, c'est-à-dire au moment où la Lune va vraiment toucher le Soleil, entrer à l'intérieur, donc 14h08. Le milieu de l'éclipse aura lieu vers 14h09. Le troisième contact vers 14h12. Et le quatrième contact, la sortie, est vers 15h42. Vous parlez de la Lune qui touche le Soleil, c'est voilà. Une image évidemment. Voilà. Donc c'est-à-dire les deux. Au fait, quand on dit éclipse aussi, c'est peut-être pas le bon mot. C'est une éclipse, c'est quand on entre dans l'ombre de quelque chose d'autre. Ce qui n'est pas le cas là, c'est que la Lune se met devant. Le mot le plus juste, ce serait plus une occultation de la Lune avec le Soleil. La nuit ne va pas tomber d'un seul coup? Ah non, du tout. Il n'y aura pas de nuit. Donc, ça sera sombre. Il ne faut pas s'y attendre quand on va y avoir de la nuit. Donc, ça va être sombre, crépusculaire. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, car toutes les éclipses annulaires ne se ressemblent pas. Donc, on va voir. Mais ça va être sombre. Donc, il faudra surveiller, regarder ce qui va se passer. Mais scientifiquement, dans quelle proportion la lumière va baisser? Alors, sur toute l'île, on va perdre 94% de lumière. Donc, il en reste donc 6 ? 6% partout dans l'île, même s'il y a des endroits de l'île où l'éclipse ne sera pas annulaire, elle sera partielle. Par exemple, toute la partie est, donc de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, donc là on verra une partielle, mais on aura 94% de lumière perdue. Alors qu'est-ce que ça change, 94%, 80%? Bah, pas grand-chose. Donc, on va avoir un ciel sombre, sans plus. Donc, on va même, ce qui va être intéressant, c'est que donc avec cet assombrissement, on va voir apparaître des étoiles, comme l'étoile du Spica, donc de la Vierge, qui va peut-être apparaître dans le ciel. Et on aura deux planètes, Vénus et Jupiter. On peut observer des étoiles en pleine journée, alors? En pleine journée. Donc on va observer peut-être une étoile, ensuite aussi deux planètes, Jupiter et Vénus. Le moment le plus fort, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater et dans quel créneau horaire? Alors le moment le plus important, donc, alors si on est photographe, on est astronome amateur, c'est vrai, ça va être le premier contact au moment où la Lune va toucher le Soleil, donc à 12h22. Mais le moment le plus important va être à 14h08, 14h09, donc la centralité où la Lune va être vraiment au centre. Et là, donc, c'est le moment d'observer. Pour ceux qui veulent admirer ça dans les meilleures conditions, où est-ce qu'il faut se placer pour regarder l'éclipse? Alors toute la partie sud-ouest de l'île, l'ouest, sud-ouest, donc sur Saint-Louis, donc où il y a un village éclipse, donc où là, donc on pourra mieux observer l'éclipse. Après, il y a une autre partie qui serait en mer, à 15 km au large de l'île, où là, l'anneau va être bien centré et il y a cette possibilité d'aller sur un bateau. Sur un bateau, c'est quoi la différence? Bah, juste donc la centralité, donc qui va être meilleure, mais sinon ça change pas grand-chose à l'endroit où on est situé dans l'île, donc c'est bon. Un bateau, ça paraît pas forcément stable pour observer. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Non, parce que si vous observez seulement, donc il suffira de mettre vos lunettes spéciales éclipse sur vos yeux et vous pourrez observer sans aucun problème. Donc, alors vous y venez, attention, il faut absolument porter ces fameuses lunettes spéciales éclipse hein, pour observer le phénomène et pas les lunettes de soleil de monsieur tout le monde. C'est quoi les risques? Alors du tout, donc il faut absolument prendre les lunettes éclipse et ce dès le début, donc à partir de 12h22. Et c'est vrai, on va pas observer pendant les 3 heures l'éclipse, on fera tous les 3 minutes ou les 15 minutes, dépendant ce qu'on veut observer de l'éclipse. Et surtout, au moment de la totalité, donc de l'annulaire, il faudra garder les lunettes. On n'est pas dans le stade d'une éclipse totale où au moment de la totalité, il faut enlever les lunettes pour voir la couronne solaire. Là, il n'y aura pas, parce qu'il y aura donc cette lumière tout autour du soleil. Donc il faudra absolument garder les lunettes pendant tout le temps. Les risques, ben c'est de, ben si on ne met pas, c'est d'avoir des problèmes de vue. Donc, il faut absolument mettre les lunettes. Les automobilistes vont être tentés de s'arrêter au bord de la route, ce que la préfecture déconseille formellement. Quels conseils on peut donner aux gens? Il faut anticiper? Voilà, donc ils font attention, donc ils amènent leurs lunettes avec eux et ils cherchent un endroit où ils peuvent se stationner et observer dans les meilleures conditions. Il y a des sites en altitude qui sont davantage recommandés qu'au niveau du littoral, par exemple? On pourrait être Grand Bénard, donc à peu près à 2000 mètres d'altitude. Ce serait aussi bien si le ciel est dégagé. Mais donc, ce qu'annonce la météo, donc ce sera bon. Donc un peu partout dans l'île, que ce soit on soit en hauteur ou sur le littoral, on aura donc la même qualité d'observation. Un mot sur la réaction des animaux. On sait comment ils vivent cette éclipse. S'il y a des comportements inhabituels. Voilà. Donc il y a aussi donc une autre partie d'observation qu'on peut faire. Donc c'est vrai à partir de 13h30. Donc la baisse de luminosité va bien commencer et il faudra observer plein de choses autour. Donc regarder donc justement donc les animaux. Quelle va être la réaction des animaux? Est-ce qu'ils vont peut-être aller dormir en se pensant que bon voilà c'est la nuit qui tombe? Et aussi observer la nature, donc tout ce qui est autour. Quels animaux sont les plus concernés? Les oiseaux, les poules, donc tout ça, donc tous les animaux de la basse-cour, il faudra regarder. Il y aura aussi la température donc, qui est à surveiller. Donc on aura certainement une baisse de la température importante, manquant 94% de lumière, et peut-être le vent risque de se lever aussi. On a une idée de cette chute de température? Je ne sais pas. Donc je pense qu'il y aura quand même 2 ou 3 degrés donc, de perte de température. Et puis il y a des conséquences aussi, EDF a prévenu, par rapport à la production d'électricité, puisqu'on compte aussi beaucoup à La Réunion sur le photovoltaïque. Voilà, donc comme il y aura donc cette perte de 94% de lumière, donc il y aura cette baisse d'énergie, donc certainement, donc il y aura un problème de ce côté-là. Donc mais bon, ça va pas durer longtemps, c'est 2 minutes, et tout de suite après, je pense que ils vont rapidement retrouver l'énergie à 100%. Un phénomène exceptionnel et pourtant beaucoup de marmailles vont pas pouvoir en profiter, en tout cas dans le cadre de l'école, beaucoup de fermetures de classes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors personnellement, donc, c'est regrettable d'arriver à ce stade-là. Donc c'est dommage, car c'est un phénomène qui se reproduira pas. Donc en tout cas, à part si les maires ou autres sont toujours là dans 200 ans. C'est pédagogiquement, plein de choses a été mis autour. Ils ont été préparés depuis près d'un an. Et les faire rater cela, c'est dommage. Et qu'est-ce qui est prévu justement dans le cadre de ces animations ? Alors, il y a plein d'observations. Justement, l'observation, on pouvait le faire par des masques. Il y avait aussi la projection de l'image du soleil sur des écrans avec des feuilles de papier. Donc, il y a donc vraiment, à ce moment-là, si on le fait bien, si c'est suivi, les consignes de sécurité, donc on peut l'observer sans aucun problème. Alors, il y a plusieurs villages éclipses hein, qui ont été montés pour l'occasion. Le principal, c'est celui de l'étang du Gol. 4000 personnes attendues sur place. Avec quel programme ? Alors, donc, on sera, donc, le village éclipse, donc, ouvrira ses portes au grand public à partir de 10 heures. Donc, et là, donc, il y aura des observations avec les instruments de l'observatoire. Nous ferons par projection. Nous ferons aussi par observation directe. Là, bien sûr, avec des filtres spéciaux derrière nos télescopes pour permettre aux gens d'observer. Et surtout, donc, l'éclipse va être retransmise en direct sur Internet par toute l'équipe de l'Observatoire de Paris, car nous avons des astronomes, d'ailleurs, qui est là. Des astronomes et des spécialistes venus du monde entier, alors qu'on le disait à l'instant, des écoles sont fermées. C'est quand même un sacré paradoxe, non ? Ben oui, donc voilà, comme je vous ai dit, donc ça c'est dommage. Donc il y a des astronomes, donc et les enfants pédagogiquement, donc n'en profitera pas de cela avec une équipe, des équipes, donc qui ont été préparées pour ça depuis plus d'un an. Ces astronomes, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme enseignement de cette éclipse à La Réunion ? Alors donc c'est sûr qu'il y aura des calculs même concernant donc les scolaires, l'éclipse, donc on pourra donc faire des mesures sur l'ombre de la Lune, donc et c'est ce que vont faire certains astronomes, et ce que vont faire aussi les scolaires dans leur cadre de leur programme scolaire, donc les lycées, les collèges auront certainement donc des calculs à faire concernant cette éclipse. La prochaine éclipse, elle est prévue quand, visible de La Réunion ? Alors il y en a deux, donc l'éclipse annulaire c'est en 2200 et la prochaine éclipse totale en 2267. Jimmy Dorseuil, merci d'avoir accepté notre invitation et très bonne éclipse. Merci à vous aussi. Merci Philippe Dornier, Jimmy Dorseuil qui est l'animateur scientifique de l'Observatoire astronomique des MAC. Une éclipse à suivre, un jour d'éclipse sur Réunion Première Radio dès 10h et ensuite en télévision dès 12h15 avec une édition spéciale du journal. Nouveau point sur le trafic avec vous, Yves Gruyer. Oui, alors des précisions, il y avait bien deux voitures et non pas une seule, donc c'est une touchette entre deux véhicules. Les voitures sont sur la bande d'arrêt d'urgence maintenant au niveau de l'accident, malheureusement. Donc il y a l'effet curiosité, alors il y a un peu de zone roulante, mais le bouchon démarre à l'échappeur de la possession. Donc là, toute la partie sud de la route littorale en grosse difficulté pour aller vers Saint-Denis. Après cet accident tout à l'heure à hauteur de la courbe, juste après l'échangeur de la Grande Chaloupe. Après, il y a quelques zones roulantes, mais ça reste chargé jusqu'à Saint-Denis de toute façon. Pas de changement pour les tranchées, ce boulevard sud ainsi que le pont Vincennes, donc très encombré. Sur le Lancastel, la circulation vers l'est, pour le moment, c'est encore roulant. Mais attention, prochain quart d'heure, ça ne sera plus la même chose. Entrée est, c'est plein, donc depuis la sortie de Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Denis, donc circulation difficile. Dans l'ouest, pas de changement pour la fin de la route des Tamarins, toujours échangeur de place à cailloux, du monde dans les rampes, et surtout, ça y est, la route des plages encombrée de grands fonds à Boucan, c'est un peu plus difficile que tout à l'heure, circulation donc un peu plus chargée. À la rivière, la circulation relativement correcte, attention, il y a des zones avec des carrefours qui sont un peu chargés, mais pour redescendre ensuite vers Saint-Louis, il n'y a pas encore trop de ralentissement avant de rejoindre le giratoire de la Palissade. Voilà, et celle qui se dégage, qui essaye de se dégager, mais toujours avec beaucoup de vent. Bonne route. Rendez-vous dans 10 minutes, Yves, 7h30 sur la première. Le journal, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Des éthylotests dans les bus, c'est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Explication dans ce journal avec Johanna Damadorassi. L'événement est à suivre sur Réunion Première, antenne spéciale Éclipse à partir de 10h avec Claude Montanet en direct du village de l'Éclipse au Gol à Saint-Louis. Nous vous donnerons des conseils pour faire de belles photos. À Madagascar, la famine frappera encore cette année. Le directeur général de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture lance une alerte. La catastrophe humanitaire est proche. Et puis nous irons sur une plage abandonnée, Boucan-Canot, désertée depuis l'attaque de requins samedi dernier. Il contournait le système pour pouvoir boire au volant. Rappelez-vous, un chauffeur de bus de la Citalis a été condamné récemment pour conduite en état d'ivresse et mise en danger d'autrui. Son bus était déjà équipé d'un éthylotest anti-démarrage lors du procès. Le chauffeur avait d'ailleurs expliqué comment il pouvait prendre le volant, même en ayant bu de l'alcool. Aujourd'hui, 1er septembre, tous les bus de Lille doivent être équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Les précisions de Johanna Adamadorassi. Si la mesure est appliquée depuis le 1er septembre 2015 en métropole, elle n'entre en vigueur que cette année en Outre-mer, le temps pour les compagnies d'équiper les autocars. Comme son nom l'indique, l'éthylotest anti-démarrage est un appareil qui analyse l'haleine et empêche le démarrage du véhicule en cas d'alcoolémie supérieure à 0,2 g d'alcool par litre de sang. À chaque démarrage, le conducteur doit souffler dans l'éthylotest pour mettre en route le véhicule. Si le test est positif, un nouvel essai peut être réalisé au bout d'une minute, mais un résultat identique va bloquer le démarrage durant une demi-heure. Un dispositif qui peut néanmoins être contourné, car si le moteur a été coupé moins de 30 minutes, le conducteur n'est pas obligé de souffler dans l'éthylotest. Et puis en cas de résultat positif, il y a moyen d'accéder à un bouton de démarrage d'urgence. Mais attention, cela devient une infraction au code de la route. Elle est donc verbalisable. Johanna Damadorassi, on reste sur la route avec les travaux de sécurisation des rampes de Basse-Vallée. Le chantier risque-t-il d'être suspendu ? Réponse aujourd'hui, la direction régionale des routes attend une autorisation des services de l'État pour poursuivre ou non le chantier débuté le 11 avril dernier. Au cœur du problème, des petits oiseaux, Sophie Persson. Le chantier de sécurisation des rampes de Basse-Vallée va de surprise en surprise. Au début, alors qu'on ne s'y attendait pas, on a découvert des espèces endémiques d'orchidées et la présence de certains animaux qui ont nécessité des adaptations du chantier. Conséquence, il n'a pas pu démarrer aussi vite que prévu, mais depuis avril, tout roule. Enfin presque, l'entreprise choisie a pris du retard, ce qui représente un vrai problème car pour des raisons environnementales, le chantier est autorisé à fonctionner jusqu'au 1er septembre seulement. Après, fini le balai des hélicos afin notamment de protéger les passereaux. La direction régionale des routes a donc demandé une dérogation pour pouvoir poursuivre encore un peu et elle attend donc la réponse des services de l'État. Sophie Persson, et puis avis aux distraits, le radar automatique fixe sur la Nationale 3 à La Confiance, à Saint-Benoît, contrôle désormais la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation. La vitesse maximale autorisée sur place reste limitée à 50 km/h. 7h34 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Jour J, H-5 environ, dans 5 heures, l'éclipse solaire aura commencé. Une belle éclipse annulaire du soleil est attendue dès midi 22. Le soleil va disparaître, caché par la lune, puis il réapparaîtra. Aujourd'hui, c'est lui qui fait des croissants, pas la lune. Vous suivrez peut-être avec nous ce phénomène. Réunion Première vous accompagne dès 10h en direct du village de l'éclipse installé au Gol à Saint-Louis. Claude Montanet et Philippe Dornier vous feront vivre l'événement. Attention, on l'a maintes fois répété, il faut bien se protéger les yeux avec des lunettes spéciales pour regarder le soleil en face. Pour prendre de jolies photos, il faut aussi prendre des précautions. Les smartphones peuvent immortaliser l'éclipse, mais les appareils de type réflexe sont utilisés avec des filtres. Écoutez les conseils de Christian Lopa, il est responsable d'un magasin spécialisé en photographie. On aura la lumière directe du soleil quand on va viser dans l'œil ton du viseur. Donc ça, c'est un grand danger. Via les jeux de miroir, on aura la lumière directe du soleil. Donc ça, c'est le grand danger. C'est pour ça qu'il faut utiliser toujours des filtres. Et il faut laisser en permanence les filtres sur les appareils photo. C'est un peu plus facile avec les téléphones portables parce qu'ils n'ont pas autant de lentilles qu'un appareil photo peut avoir. Donc ils ont moins cet effet loupe.

femme se rappelle son enfance insouciante au bord de la mer. La plage de Boucan, on la connaît bien, on y était tous les jours, on s'est baigné ici le jour, la nuit, on a fait des feux de camp, on a surfé, on a fait plein de choses diverses et multiples, que ça soit Boucan, que ça soit les Roches Noires, que ce soit les Brisants, que ça soit Saint-Leu. La mer, c'est un endroit qu'on a toujours respecté. On est toujours allé dans l'océan en ayant conscience des risques, certes, mais des risques raisonnables. À l'heure d'aujourd'hui, il se passe quelque chose complètement d'inhabituel. On peut pas s'imaginer qu'on va aller temps salé, se faire attaquer à 3 mètres du bord en eau claire. C'est quand même incroyable. Les riverains et les commerçants ont peur de l'image que ce nouveau drame pourrait donner de l'île. Seul le chat blanc, qui dort paisiblement sur la chaise, n'a pas l'air de se rendre compte de l'ambiance qui règne sur la zone balnéaire. C'était un reportage de Nadine Bachelot. Merci Cécile Thomas, vous avez vos lunettes, c'est bon? Ah oui, j'ai mes lunettes pour l'éclipse. Allez, tout à l'heure. Allez, pareil, pour l'éclipse. Merci Cécile, bonne journée. Merci. Il est 7h41. Et le soleil tente un comeback, oui. Après une nuit nuageuse. Il se montre encore avant que la lune ne le cache et que nous tombions tous dans la pénombre. Wow. Cet après-midi entre midi 20 et 15h40 avec un pic vers 14h08, on vous le rappelle. Alors le soleil devrait, oui, être vaillant au moment de l'éclipse. C'est ce que nous dit Météo France, surtout sur le grand quart sud-ouest, où on verra mieux l'éclipse d'ailleurs, entre Saint-Gilles et la région de Saint-Pierre, avec le village, l'étang du Golfe, qui devrait avoir un ciel clément pour observer donc cette éclipse annulaire du soleil. Même chose de l'autre côté de Sainte-Marie à Saint-Benoît, où là le soleil sera normalement vaillant. Il y aura quand même deux régions où les nuages seront un peu plus présents, le flanc est du volcan entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, et de Saint-Denis à Saint-Paul. Là, on devrait avoir un peu plus de nuages, surtout sur les hauteurs. On est d'accord. Bien d'accord, hauteurs sous les nuages. Mais globalement, quand même, notamment dans l'intérieur, les cirques, le volcan et les plaines devraient bénéficier par moments de belles trouées de ciel bleu qui nous permettront donc de voir la fameuse éclipse. Bon, on verra bien. Le vent soufflera 90 km/h vers Saint-Pierre et 70 vers Saint-Denis. Température maximale cet après-midi, si vous regardez par exemple l'éclipse à Saint-Louis, 25 degrés, au tampon 21 degrés. On rejoint Yves Grillet tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes du côté de la rivière, au niveau de la route qui descend vers le Wack. Les rivières sont venus m'aborder donc, en reconnaissant la moto à côté, forcément, pour récupérer des lunettes solaires donc avec Réunion Première. Donc, il y avait Anne-Claude, Christelle, Chantal et René-Paul voilà, qui sont repartis avec ces lunettes tout à l'heure. Vous regardez ça en toute sécurité à partir de 12h20 ici, sur cette région sud. Même si c'est 2 minutes à peu près, le temps éphémère de l'éclipse totale. Voilà, en ce qui concerne le trafic, c'est un peu plus dense pour descendre de la rivière en rejoignant Saint-Louis, notamment en abordant Palissade et le centre-ville. Quelques petites difficultés au carrefour qui remonte vers les hauts de Saint-Louis. De la rivière, pardon, ici sur cette partie basse de la RN5. Des travaux, attention, sur Sillaos, normalement, alors si le vent le permet, il y a des travaux d'héliportage sur la route de Dilette à Cordes. Attention à la circulation, sur avec des coupures d'un quart d'heure. Chantier qui se met en place en ce moment, qui est possible jusqu'à 16h avec ces coupures de circulation, soyez patients. En ce qui concerne le trafic, ça bouge pas toujours sur la fin de la route des Tamarins, donc hauteur de Plateau Caillou, toujours des ralentissements sur la partie basse, route des plages en direction de Saint-Paul en passant par le Cap Laoussé. Pour la route du littoral, alors ça va un petit peu mieux, on se rapproche de la ravine des Lataliers, mais il y a encore quand même une grande partie de ralenti donc suite à cet accident tout à l'heure, ce petit accrochage entre deux voitures après la grande chaloupe, la circulation avec quelques zones roulantes pour rejoindre Saint-Denis, Pont-Vincennes, ça va mieux. Les tranchées toujours chargées, le Lancastel est en train de se remplir, ça y est, c'est à proximité du boulevard de l'Océan en direction du Butor. Tout en fait est reste compliqué pour le moment. Voilà, le soleil se fait plus présent et les nuages se sont dissipés sur cette partie sud-ouest de l'île. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Jour J, jour d'éclipse, on le disait depuis 5h ce matin, et d'ailleurs dans les dernières éditions des derniers jours, les marmailles ne verront pas tous l'éclipse. Pas tous. Par rapport à la grève des professeurs ou des écoles qui n'ont pas mis en place les dispositifs nécessaires. Eh bien, sachez que dans certaines écoles, me dit par exemple Katiana Castello, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour les marmailles, comme d'ailleurs peut-être dans une des écoles que vous connaissez, à Sainte-Suzanne, par exemple, Isa, donc. Ça veut dire que les professeurs ont pris leurs responsabilités, les équipes pédagogiques, elles aussi, ont développé des systèmes. Donc, on ne met pas tout le monde dans le même sac, quand même. Hein. Et bon. Si jamais vous êtes avec vos enfants aujourd'hui, vous vous dites, tiens, où est-ce que j'irais bien observer l'éclipse avec mes marmailles pour être sûr qu'ils comprennent tout ? Eh bien, vous allez faire un tour au site de l'étang du Gol. Oui. Il y a Claude Montané là-bas à partir de 10h. Il y aura tous les professionnels. Il y aura Jimmy Dorseuil, justement l'animateur qu'on a entendu tout à l'heure avec Philippe Dernier. Ils sont tous sur place, donc vous pourrez aller vivre ensemble, avec Réunion Première, eh bien, cette éclipse. Voilà, donc c'est parfait. Et nous, eh bien, on vous offrira des cadeaux grâce à cette éclipse. Okay. Jour d'éclipse, jour de photo pour immortaliser l'événement avec vos lunettes, pourquoi pas, sur le bout du nez. Il faut surtout ces lunettes. Hein. En plus de ces lunettes de vue. Oui, alors ça, c'est moins glams par contre. Hein. Eh bien, montrez-nous. C'est un peu mal calculé cette affaire-là, ouais, ben non? C'est comme ça. Montrez-nous que vous êtes prêts pour l'éclipse sur la page Facebook Grand Matin, GRN apostrophe matin. Vous connaissez, vous savez comment écrire matin. Voilà. Vous envoyez vos photos et à la fin de la semaine, peut-être une croisière sur l'eau avec vous. Eh oui, sur un catamaran. De votre choix. Un catamaran. En 3 heures, vous ferez une croisière à deux. Donc voilà, mais seulement si vous postez vos photos tout au long de la semaine pour jouer avec nous sur la page Facebook de Grand Matin. C'est comme ça que ça se passe sur Première Arrive, le zapping, Connect Première et bien sûr un gagnant ou une gagnante. Forcément. Oui, dans un instant. Oui. Restez là, on revient juste après. Roliane et Sentiment l'amour. Sentiment là en moi le inné, mais pas moins. Côté moins, positivité fine installée, le reste s'y intéresse pas moins. Attends de m'expliquer où comment un sentiment il domine. Sentiment là sérieux, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. Attends de m'expliquer où comment un sentiment il domine. Sentiment là sérieux, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Mon vitamine tout le temps, faut au moins ça pour vivre, faut au moins ça pour aimer le mal, dis-moi. Sentiment là, sentiment l'amour, rien à faire pour gagner à mener. Sentiment là, faut nous gagner multiplier, éparpiller dans le monde entier. Attends, m'explique où comment un sentiment il domine. Sentiment là, sérieux, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Vitamine, t'en m'explique à où comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. Tant que nous aura l'espoir, la vie m'a préservé. L'amour pour les autres, minena. Pour ma ladies, la famille, les dallons, m'y va. M'explique à d'autres que l'amour m'y porte l'essentiel. Pour moi, les vitales, tous les jours, il devient plus belle. Ou comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. T'en m'explique à ou comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. Me the love, me the love. Chaque nouveau jour va lever. Me the love, me the love, me the love. Vous donne en quantité. Sentiment là en moi le inné. Côté moins, positivité fine installée. Le reste s'y intéresse pas moins. Attends de m'expliquer où comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. Attends de m'expliquer où comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. Attends de m'expliquer où comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Ça mon vitamine. Attends de m'expliquer où comment un sentiment il domine. Sentiment la série, sentiment la clean. Sentiment l'amour, sentiment l'amour. Sentiment la série. Sentiment la mi-ve. Sentiment la série. Sentiment la mi-ve. le sentiment, l'amour. De Roliane, sur première. Dans Grand Matin, salut Céline, qui nous dit grand soleil dans l'ouest, gros bisous. Eh ben, gros bisous Céline, et ça tombe bien, on doit observer l'éclipse hein, en quelques heures maintenant. H-5, même pas, un peu moins. 4 ouais. H-4 et quelques, on va dire comme ça. Ouais. Oui. H-4h20, exactement. 4h30, ouais. Bon, on va y arriver. Et 30 secondes. Eh bien, au moins on est précis. 26. Bon, arrive Connect Première avec Pascal Rizzo, et puis juste après sera le zapping de Jackie Revel. À tout de suite. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montagnier. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. C'est préférable, assistant maternel à domicile. Vous pouvez se passer ma machine sur le dos pour connaître que c'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit arrière ? Qu'elle prenne contact avec la carte. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagnier, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif : vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle ? Quelles actions peuvent y contribuer ? Quelles sont vos idées ? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Alors c'est vrai qu'il y a moins de joueurs depuis quelques jours pour Pokémon Go, mais c'est toujours autant un phénomène hein, bah oui, qui un phénomène. Monte même jusqu'au sommet de l'État, puisque Najat Vallaud-Belkacem a demandé à ce qu'il n'y ait pas de Pokémon rares dans les cours d'école. Pascal Rizzo nous parle de Pokémon Go. Connect Première. Bonjour, voilà bien longtemps que l'on n'a pas parlé ici de Pokémon Go. Bien sûr, on continue d'en entendre parler. Par exemple, lorsqu'un village français de 800 habitants dans l'Ain n'en veut pas et interdit l'implantation des Pokémon sur son territoire communal. Lorsqu'un eurodéputé réclame une enquête sur le jeu car selon lui, ses conditions d'utilisation violent le droit européen sur les données à caractère personnel et d'énumérer une kyrielle de clauses big brotherienne. Ou lorsqu'un joueur passionné joue au volant de sa voiture et tue une dame de 72 ans au Japon et en blesse une autre. Ou encore lorsque partout dans le monde, des chasseurs de Pokémon exaspèrent les non-joueurs par leur comportement de zombies ambulants à la recherche de personnages imaginaires, et imaginés d'ailleurs pour des enfants en pré-ado. Mais comment se porte le jeu lui-même ? Qu'en est-il du phénomène Pokémon Go, pour ne pas dire de l'hystérie Pokémon Go? Eh bien, il semblerait que le soufflet soit quand même en train de retomber. En effet, à ce jour, selon le système de mesure Aptopia, Pokémon Go aurait perdu un tiers de ses joueurs actifs quotidiens, soit tout de même encore 30 millions de joueurs obsessionnels dans le monde, contre 45 millions il y a encore quelques semaines. 5 ans que Tim Cook tient les rênes d'Apple, et selon une clause mise en place par son prédécesseur Steve Jobs pour, pensait-il, sécuriser la direction de l'entreprise, Tim Cook a donc reçu un joli cadeau d'anniversaire, 100 millions de dollars, ça fait 88,5 millions d'euros ou 10,5 milliards de francs CFP comme ça en bonus. Une autre prime, d'ailleurs, est prévue lors du 10e anniversaire à la tête de l'entreprise. Si c'est le cas, ce sera 500 millions de dollars. Vivement 2021, donc, pour Tim Cook. Cela dit, le bonus est en partie affecté par le cours de la bourse concernant Apple. Sans doute une bonne raison pour faire confiance à Tim Cook pour ce qui est de la bonne santé du cours de l'action de son entreprise. Belle journée. Merci Pascal Rizzo, belle journée à vous. Connect Première de retour entre 12h et 14h avec Ingrid. Première. Michael Laurette. Isabelle, waouh. Que se passe-t-il à ce moment-là ? C'est l'heure de savoir qui c'est qui a gagné aujourd'hui. C'est l'heure de voir sur la page Facebook qui a envoyé la photo que l'on a choisie ce matin. Ah, si on regardait un peu. Eh bien, on avait proposé à tout le monde dès 5h d'envoyer sa photo jour d'éclipse, pour immortaliser un peu l'événement. Oui. Ce jour qui n'arrive pas tous les jours, justement, à La Réunion. Bah, c'est ça. Et Micheline. Oui, c'est Micheline qui a gagné. Micheline qui a gagné ses places de ciné pour ce film. Ce film, Mécanique Resurrection. 6 heures pour éliminer toutes les cibles de cette liste. Sinon, c'est moi qu'ils vont éliminer. Aucun signe d'intrusion, monsieur Adams. C'est parce qu'il est assis devant moi dans la salle du coffre, connard. Il ne s'arrête jamais. Comme moi. On dit bravo à Micheline, on dit bravo à tout le monde puisque vous êtes tous sélectionnés, tous ceux qui ont envoyé les photos pour le tirage au sort de vendredi. Exactement, de demain même, parce que vendredi c'est demain, on saura qui part en croisière à bord de ce catamaran pour une croisière de 3 heures avec la personne de son choix. Ouais, c'est génial. Ingrid qui a participé ce matin, Ingrid du 12-14, mais qui ne fera pas bien sûr partie des heureux gagnants demain. Oh ben désolé non. Ingrid, non. C'est comme ça. Oh là là. C'est catacritique. Le zapping. Le zapping de Jackie Revelle à 7h56. Exactement. Bah, tout le monde y passe. Hein. Takiga, l'éclipse. Tout le monde. Allez hop, c'est parti. Qui se lance le premier? La paix. S'il ne suis pas calculé, je vais lui offrir un boulier chinois. Tiens, ça va l'aider à faire mieux ses calculs. Le chinois, c'est très facile. Voilà. Ça y est, c'est fait. Erika Barecht est devenue ce matin la première femme réunionnaise ministre des Outre-mer. Big up, tout le temps, mais on entend big up. Et donc, attendez que je retrouve ma feuille. Non, on n'a pas la feuille. Donc, mal au ventre. Bah. Une apocalyptique, c'est la fin du monde, je pense. On va tous y passer. Qui fait les scripts? C'est Dieu? Comment? Pardon? Les scripts. Pas avoir peur, justement, c'est pour moi, c'est l'éveil, il y a maintenant une prise de conscience. Et m'y voit plus dans le positif que dans le négatif. Nous avons donc un certain nombre de représentations de Ah, Jackie, sacré Jackie qui fouine un peu partout sur la bande sonore pour aller récolter ses éléments. Ça va la chiasse. Bonjour à La Réunion. Ça va, Jackie? Ça va bien. Malin entendu, Diazat, Nenaïn, ça gagne un tour en catamaran et demain? Oui. Ça même. Imagine Ali, là, si son catamaran, tranquille, train de boire un petit thé de La Réunion. Ah, alors, ça peut être sympa. Ouais, les gars, nous l'invite Johnny Guichard. Alors, il est producteur de thé. Pas l'humoriste. Ouais. Lui, il est producteur de thé. Il nous emmènera à la découverte de son labyrinthe enchanté qui se situe à Grand Coude dans les hauteurs de Saint-Joseph tout à l'heure. Ah, et après? Et après, on aura avec Radio Prisca Ménage. Ah oui, voilà, avec Prisca. Prisca vous posera la question sur le loup-garou, mythe ou réalité. Ça, ce sera au marché forain de Brapanon. Et puis, il y aura aussi plusieurs personnes qui vont appeler M. Krishna, le grand voyant médium. Hein, parce que aujourd'hui, c'est les clips. C'est important pour les clips. Voilà. Les clips de soleil à suivre sur Réunion Première juste après Jackie Revelle. La Call Jack sera dès 10h avec Claude Montanet. Philippe Dornier. Bonne éclipse à tous. Et bonne journée. Et vous êtes sur la route de l'entre-deux. Oui, route de l'entre-deux, dans les rampes du Waki, avec un trafic plutôt correct dans les rampes. Il n'y a pas trop de contraintes pour monter ou descendre côté rivière Saint-Louis. Côté entre-deux, on voit les traces de cet incendie qui a créé ces gros embouteillages hier en quittant Saint-Pierre, puisque le Waki avait été fermé pour que les pompiers puissent travailler. Donc ça se passe à proximité justement du bras de la plaine. Et la circulation qui avait été fermée pendant près d'une heure et demie hier après-midi. Alors en ce qui concerne le sud, ça se passe bien. bien, en tout cas qu'il n'y a pas d'accident sur la descente du tampon, bah, le trafic est plutôt correct au niveau du Mont Caprice et du monde au niveau des échangeurs, du boulevard Banque et en arrivant de Bassin-Plat pour rejoindre le giratoire Archambault. Pas trop de soucis en sortie du pont de la rivière Saint-Étienne, trafic dense hein, donc entre la sortie de la rivière Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre. Pour la partie ouest, toujours échangeur de Plateau Caillou, donc peu de changements, ça roule mieux à grand fond, ça coince encore à Boucan sur le littoral ouest. L'entrée de la route du littoral, ça se passe mieux sur la partie sud. Les ralentissements sont repassés après la Grande Chaloupe, un peu avant le radar, donc avant le virage du gouffre. Le pont Vinsane, ça roule encore un peu difficilement pour rentrer sur Saint-Denis, mais la tranchée côté montagne est déjà libre. Et puis le Lancastel n'est pas complètement plein. S'il y a du monde, c'est toujours après le boulevard de l'Océan, donc un peu avant la Lébonie en direction du Butor pour le moment. Par contre, une entrée est toujours très compliquée. Yves Bruyer pour l'information routière. Il est 8h à La Réunion. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Plages et terrasses désertées à Boucan-Canot, 5 jours après l'attaque de requins. Les restaurateurs craignent de retomber dans le marasme d'avant la pause des filets. Certains d'entre eux, vous l'entendrez, n'hésitent plus à pointer du doigt la responsabilité des surfeurs. N'oubliez pas vos lunettes spéciales pour éviter tout accident. L'éclipse annulaire de soleil tant attendue, c'est pour la mi-journée. Beaucoup d'écoles fermées, alors comment expliquer le phénomène à un enfant ? Les astuces d'un scientifique dans ce journal. Et enfin, question plus générale, comment occuper ces marmailles le mercredi après-midi à Saint-Denis ? Témoignage à suivre de deux papas qui profitent comme ils peuvent des mercredis jeunesse relancés en cette rentrée par la commune. 5 jours après l'attaque de requins à Boucan-Canot, ça gronde chez les restaurateurs installés sur le spot Saint-Gillois. Depuis la fin de l'année dernière et la pause des filets, ils avaient retrouvé le sourire. Tous étaient satisfaits des conditions dont la crise requin avait été gérée. Mais aujourd'hui, tout est à refaire. Hubert Debeu a rencontré l'un de ces restaurateurs. Voici son reportage. Depuis décembre dernier, les restaurateurs de Boucan travaillaient sans filet. Ils avaient repris confiance, la plage retrouvait de l'animation, le commerce était florissant. Pierre-Yves Jousse est le gérant des Boucaniers. Ça servit énormément, surtout pour nous. Moi, je suis content.